Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 18. Je procède au rappel traditionnel de notre émission, que la plupart de nos auditeurs connaissent. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, protonmail.com. Je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Nous vous invitons à nous soutenir financièrement si vous le souhaitez, si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas en procédant à des dons exclusivement en crypto-monnaie. Pas d'autres moyens de paiement disponibles, n'est-ce pas, pour les vilains nazis. Donc Bitcoin, Ethereum, Monero sont les trois crypto-monnaies que nous acceptons. Comme je le dis souvent, c'est aussi pour vous le moyen de vous familiariser avec ce moyen de paiement, et pour, même pour votre utilisation personnelle, dans les années qui viennent, ce sera un moyen, je crois, qui sera de plus en plus pratique de maîtriser. Donc n'hésitez pas à nous soutenir. Enfin, toujours pour ce qui nous concerne à Démocratie Participative, vous pouvez aussi, comme chaque semaine, de manière hebdomadaire, télécharger notre PDF, hein, qui... reprend tous les articles qui sont donc disponibles dans ce PDF et les partager et le partager, partager ce PDF avec tous vos contacts par email. C'est une façon très simple de disséminer, pardonnez-moi, la bonne parole. Alors, avant de présenter nos membres de la semaine, je voulais procéder aussi à l'annonce d'événements qui vont avoir lieu. Alors, c'est pas des événements de démocratie participative, bien sûr, hein, mais ce sont des événements qui intéressent à un titre ou à un autre, potentiellement nos auditeurs, ou tous ceux qui partagent nos idées, en tout ou partie d'ailleurs. Premier événement, c'est Terre et Peuple Auvergne, donc de l'association Terre et Peuple qu'on ne présente plus, qui tient une conférence à Clermont-Ferrand le 25 mai prochain. 25 mai prochain à 17h à Clermont-Ferrand, et le thème c'est le soleil et ses symboles chez les peuples européens. Voilà, donc je pense qu'ils vont parler en gros de la mythologie européenne et de la place du soleil dans cette mythologie, donc c'est bien pour connaître ses racines, savoir d'où on vient. Voilà, je précise que on n'a pas de lien organique avec Terre et Peuple, c'est simplement que l'événement est en public, connu et annoncé. Voilà, il nous semble intéressant d'appeler ceux qui sont dans la région Auvergne ou pas loin, quoi, hein, et qui sont intéressés par cet événement, et bien éventuellement de s'y rendre. Voilà, c'est fait. Idem pour conférence, cette fois-ci, du Cercle Édouard Drumont. C'est un cercle de réflexion récent qui vient d'être créé, si je ne m'abuse. Je parle sous le contrôle éventuellement des membres de ce cercle ou de ceux qu'ils fréquentent, organiseront donc, une conférence sur le thème de que faire, point d'interrogation, avec les intervenants bon, que vous pourrez découvrir à cette occasion-là. C'est le 17 mai, à 19h, et c'est à Paris. Alors, vous renseigner, vous pouvez contacter le Cercle Drumont. Alors, je vous donne les coordonnées, cercle.drumont. Donc Drumont, Drumont, @gmail.com. Hein. Et pardonnez-moi, je reviens un petit peu en arrière pour Terre et Peuple, j'ai oublié de donner l'adresse email, donc je vous la donne aussi, Terre et Peuple, Arvern, alors je vais vraiment épeler terre comme terre, et, bon, bah là c'est pareil, peuple, donc terre et peuple, en un seul mot, Arvern, A-R-V-E-R-N-E, @gmail.com. Donc terre et peuple, Arvern, en un seul mot, @gmail.com. Donc là je reviens sur le cercle Drummond, dont j'ai donné l'adresse email. Là, c'est, y a aussi un numéro de téléphone qui est proposé pour réserver. Donc, si ça vous intéresse, c'est le 06 33 23 18 07. Je répète, 06 33 23 18 07. Donc là encore, Cercle Drummond, la référence est quand même excellente, donc il n'y a pas de raison de ne pas en parler. Donc voilà, deux événements qui peuvent vous intéresser. Donc, les 17 mai pour le Cercle Drummond et le 25 mai pour Terre et Peuple. Et enfin aussi l'annonce d'un livre, je pense qu'on l'a fait sur le site, mais comment dire, je tenais à le présenter à nos auditeurs qui éventuellement pourraient être intéressés, c'est le dernier livre de l'abbé Olivier Rioux, alors qui s'intitule « De la question juive, une synthèse ». C'est disponible sur le site, comment dirais-je, qu'anime l'abbé Olivier Rioux et d'autres personnes, qui s'appelle La Sapinière, et plus particulièrement édition Sainte-Agobard. La Sapinière, vous trouverez ça tout de suite, hein. Voilà, vous tapez La Sapinière et vous tapez le nom du livre, De la question juive, vous trouverez tout de suite. Alors c'est un ouvrage de plus de 400 pages qui traite de la question juive sous un angle chrétien, évidemment de manière critique. Alors, comme il y a des auditeurs qui sont chrétiens, mais d'autres aussi qui sont curieux, tout simplement, hein, voilà. Eh ben, ça vaut le coup d'être connu. Je préfère savoir que des gens qui sont des chrétiens aient ce type de livre entre les mains que les livres du méchant de Villiers qui n'a de cesse de se soucier du sort des juifs. Voilà, c'est dit, c'est fait. Bon, après tous ces rappels et précisions, je vais présenter les membres de la semaine. Nous sommes en équipe réduite, mais il y aura de l'énergie quand même, je pense. Je vais commencer avec Fulbert. Salut Fulb, comment vas-tu ? Ah ben, Fulbert va bien, merci Gandalf. Bonsoir à toi et bonsoir à tout le monde. Ouais, on a aussi avec nous Alexis pour cette émission. Salut Alex. Bonsoir Gandalf, salut tout le monde. Magdame nous fait le plaisir d'être avec nous cette semaine une nouvelle fois. Salut Magdame. Salut Gandalf, salut les amis. Et Pierrot aussi est avec nous cette semaine. Merci Pierrot d'être avec nous. Salut Gandalf, salut tout le monde. Alors, on enchaîne. Hein. Alors, je précise, le format de notre émission cette semaine est complètement original, un petit peu comme la semaine dernière, mais encore plus original, plus baroque. Ça n'a pas vocation à durer, mais voilà, je me suis dit, on va casser un peu l'ordinaire. Alors, on a une première partie qui est exclusivement consacrée au courrier des lecteurs. Pourquoi ? Il y en avait beaucoup. C'était intéressant, et on avait du retard sur certains courriers des lecteurs, parce qu'ils méritaient d'être lus, qui n'avaient pas pu l'être. Donc, je m'en excuse auprès de ceux qui nous ont écrit, qui n'ont pas vu leur courrier des lecteurs qui est lu dans l'émission. Alors, vous inquiétez pas, simplement, voilà, le retard était accusé. Et deuxième partie d'émission, là, ça va être la thématique karma, vous allez voir, je vous laisse découvrir. Hein. Je vous laisse quand même un petit peu de surprise, mais vous allez voir que c'est original, voilà, c'est pour casser un petit peu la routine, pour pas que ce soit tout le temps le même format d'émission. Alors, premier courrier, je vous le livre. Alors, chers démocrates, j'ai découvert votre émission il y a quelques semaines, mon frère étant un de vos auditeurs, il a insisté à ce que je fasse de même ce que j'ai fait. Je ne parlerai pas de politique avec vous, je suis une femme. Et je reconnais, sans complexe, que nous n'avons rien à y faire. Votre émission a eu l'effet d'un antidépresseur. Et rien que pour ça, je vous dis merci. Donc, je précise que merci, c'est en grand. Enfin, en caractère majuscule. Bon. En effet, je ne m'attendais pas du tout à un parler aussi nature. Qu'est-ce que ça fait du bien ? Évidemment, il y a d'autres sujets que vous abordez qui sont nettement moins drôles, en l'occurrence l'état de l'armée française et plus généralement les forces de l'ordre, surtout depuis les gilets jaunes. Et bien sûr, le cancer de l'humanité qui nous dirige. Sincèrement, je ne comprenais ni même ne voyais pas toute cette propagande visant à anéantir l'homme blanc. Peut-être parce que les autres hommes ne m'ont jamais attiré, je ne sais pas. Mais depuis vous, je la vois partout. J'habite une ville moyenne dans le sud de la France et évidemment elle a son lot de maghrébins, de femmes voilées, très peu de noirs. Mais ces dernières semaines, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment de plus en plus de noirs, notamment quand je me rendais au supermarché. Mais pas que. Il y a également un groupe d'une vingtaine d'hommes, dont je serais incapable de vous donner l'origine, qui vient dans ce supermarché aux alentours des 17 ou 18 heures. Ils ont un physique vraiment effrayant, tellement que j'ai simplement changé mes heures de course. De toute façon, je ne sors pratiquement plus de chez moi. Ce qui m'a également interpellé chez vous, c'est votre vision du couple, et là encore, je vous dis merci. Car dès que je dis aux femmes autour de moi que ma vision du couple, c'est d'être une femme et mère au foyer, elles m'ont répondu que je suis complètement folle de vouloir être soumise et dépendante d'un homme. Je m'en fous, je reste droite dans mes positions, mais n'argumente pas plus le débat puisqu'elles deviennent connes et me conseillent même de prendre un plan cul pour me détendre, lol. Il y a vraiment du travail pour votre charia blanche. Quoi qu'il en soit, je tenais juste à vous remercier encore pour votre travail, vos connaissances et votre humour, vous êtes formidables. Je prie chaque jour que Dieu vous protège et que votre démocratie règne enfin, je vous embrasse, Audrey. Messieurs, un courrier féminin, c'est rare. Qui veut peut-être le commenter? Je le remercie en tout cas, Audrey, de nous avoir écrit. Oui, bah, merci hein, des compliments. Et je vois que DP va bientôt être remboursé par la sécurité sociale parce qu'on a un effet antidépresseur. Donc, bah, c'est sympa de sa part. On l'embrasse également. On lui souhaite de trouver chaussures à son pied. Bah, ce qui me fait plaisir, moi, c'est de trouver des femmes qui existent encore, qui sont des femmes traditionnelles et qui veulent être les femmes d'un homme. Voilà, et qui veulent remplir leur rôle. Et c'est ce qu'on dit, et effectivement, la femme moderne est une femme déformée, écartée de sa fonction naturelle, et qui la rend malheureuse, en réalité. Hein. Voilà, qui la rend malheureuse, on le voit, je pense, assez amplement autour de nous, pour peu qu'on veuille bien le voir, hein. Hein, franchement, j'ai pas l'impression que la femme de 2019 en France soit une femme extrêmement heureuse, extrêmement épanouie. On n'aurait pas toutes ces histoires de divorce, de famille recomposée, d'antidépresseurs, d'avortement. On n'aurait pas tout ce fatras si on promouvait, comment dirais-je, un patriarcat sain, équilibré et responsable. Mais bon, voilà. Non, oui, bah... mais les femmes sont les premières consommatrices d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Donc déjà en France, ouais, on pète les scores. Donc effectivement, la femme française est quand même relativement malheureuse. Je ne pense pas qu'elle soit particulièrement épanouie dans ce monde. Et encore moins dans le monde que nous projettent les féministes. D'ailleurs, c'est marrant parce que moi, quand j'écoute les femmes de mon entourage, ce que la plupart me disent, c'est pas les hommes nous oppressent, c'est où sont les hommes, où sont les vrais hommes en fait. C'est donc effectivement, alors bon, quand on met un petit peu trop la focale sur le féminisme totalement dégénéré, on pourrait croire que nous sommes entourés de harpies féministes de 3, 4e, 5e génération. La réalité, c'est que la plupart des femmes, même lorsqu'elles ne le disent pas, aspirent à des hommes avec, qui ont des visions traditionnelles, qui sont forts, qui sont stables, qui sont capables d'assurer la sécurité d'un foyer. Il y a un des membres de l'émission qui m'a envoyé cette semaine un lien vers un site qui s'appelle Donneur Naturel. C'est un site pour donneurs de sperme. Alors on s'est bien fendu la gueule sur ce site, parce que tu voyais des messages de femmes qui cherchaient des donneurs. Ouais. Et il y avait des trentenaires qui disaient, voilà, je n'ai pas eu le temps de trouver le bon couvercle pour aller sur le bon tupperware, donc peu importe, je ne cherche pas un père de famille, je cherche un géniteur et je pourrais l'élever avec l'aide de la CAF et compagnie. Alors quand j'ai vu ça, on a rigolé, mais c'était quand même tragique, parce qu'il n'y avait pas que des couples lesbiennes. Hein. Il y avait aussi des femmes célibataires qui étaient désespérées de ne trouver personne à 30 ans. C'était particulièrement glauque. Bah ça, normalement, c'est un état digne de ce nom et censé prendre en charge la question du couple. Hein. Alors, ne mésinterprétez pas mon propos. Il ne s'agit pas pour l'État de choisir, les partenaires, mais je veux dire, c'est à l'État quand même d'avoir des politiques très volontaires en ce domaine-là, et on l'a déjà dit, mais vous pouvez pas avoir un État libéral, anarchisant et enjuivé, et une politique familiale stable, c'est pas possible. Pourquoi ? Ben déjà, il y a le divorce. Donc si le divorce est libéralisé, c'est-à-dire si ça coûte rien de divorcer, au bout d'un moment le mariage ne vaut plus rien, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne se marient plus. Parce que c'est ça la réalité aujourd'hui, c'est même plus le divorce, la thématique, les gens ne se marient plus. Donc vous avez des unions libres, vous avez des gamins qui sont conçus par un premier lit, ils se retrouvent dans un deuxième ménage, enfin un deuxième foyer, puis un troisième. Hein, on arrive vers la normalisation de pères et de mères qui ont trois foyers, les uns à la suite des autres. Je vous laisse deviner l'ambiance. C'est une régression, hein, et aussi, moi je veux le croire, une forme de négrification anthropologique, c'est-à-dire qu'on bascule dans ce qui existe dans les sociétés primitives qu'on trouve en Afrique. Il n'y a pas de figure du père forte, vous avez une espèce de tribu comme ça, voilà, les gosses... On se les échange les uns les autres, ils rentrent dans une baraque, ils sortent dans l'autre, il n'y a même pas de maison, vous avez des cahutes, quoi, bon. Et en fait, vous êtes une espèce de tribu, mais vous n'avez pas les avantages de la tribu. Hein, parce qu'en fait, c'est pas un groupe humain qui est localisé, qui est uni par, l'agriculture ou quoi que ce soit. Ce sont des couples qui se séparent à répétition et qui vont et viennent, qui vagabondent. Donc le gamin, lui, c'est un éternel déraciné, etc. Donc on n'a même pas les avantages. Voilà. Donc ça fait plaisir d'avoir des femmes qui écrivent pour nous dire, c'est ce que moi j'aimerais, c'est ce que j'aimerais. Oui. Pardon, pour illustrer ce que tu dis, il y a le livre Africa Trek là qui avait été écrit par un couple de gens début des années 2000 qui avaient parcouru l'Afrique. De l'Est, enfin depuis l'Afrique du Sud jusqu'en Égypte. Et donc ça avait servi de support à l'African Sleep de Hervé Rissen, le texte. Et aussi là, Drac a fait une vidéo là-dessus. Et le couple a rencontré un Zoulou, je sais pas, au Malawi ou autre, qui était un homme marié, mais qui se vantait d'avoir eu des relations avec 15 femmes différentes dans la même semaine. Il y a tout un tas de chiffres comme ça sur la sexualité en Afrique complètement débridée, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on va se rapprocher de ce modèle-là. Le problème de l'Afrique, c'est la bite des nègres. C'est ce qu'avait dit Sovran, il avait raison. Voilà, donc merci Audrey pour ce courrier. Et j'espère que vous continuerez à nous écouter. Deuxième courrier. Alors là, c'est une réponse, je crois. Ouais, enfin, je vous le livre, hein, je vous le lis. Alors, amis démocrates, salut. Le courrier des lecteurs de la semaine dernière, donc je crois que c'est bien celle de la semaine dernière en l'occurrence, hein, m'a donné envie de prendre la plume pour vous conter mon histoire dans la même veine toujours. Je m'excuse par avance de la longueur de la missive, mais nous ne perdons pas de temps et lançons-nous. Alors, approchant les 22 ans. Je suis issu de la plus profonde campagne normande, élevé dans le patois, le fumier de mouton et le respect des coutumes. Il y a quelques années, je suis allé à la grande ville pour vivre et étudier, en l'occurrence, l'histoire. C'est là qu'eut lieu ma prise de conscience raciale, mais d'abord un brin de contexte. D'abord légèrement gauchiste en 2012, j'ai lentement migré à droite avant de devenir royaliste. Par cet engagement, j'ai rencontré l'année dernière les membres d'une organisation de jeunesse d'extrême droite implantée à la grande ville, et j'ai été sensibilisé à leurs idées qui recoupent les vôtres sur de nombreux points. De plus, comme je disais, je suis né et ai grandi à la campagne, c'est-à-dire virtuellement libre de toute présence extra-européenne, les seuls noirs des environs ayant dû s'intégrer pour survivre. C'est-à-dire que je ne voyais des nègres et des bougnoules que les gentils garçons qu'on nous montrait à la télévision. Le mythe du campagnard raciste s'effondre, car c'est à la grande ville que je suis devenu un fervent racialiste. Après avoir mené la vie d'étudiant parasite pendant 2 ans, j'ai dû trouver un emploi pour pouvoir rester et ai fini par trouver un petit travail en extérieur typique de l'étudiant blanc désargenté. Or donc, ce travail suppose de travailler à différents endroits dans la ville, y compris la Sainte Mosquée des Fidèles d'Allah, c'est-à-dire l'immense centre commercial flambant neuf planté au beau milieu du quartier grand remplacé de la ville. Et c'est en observant nos amis les nègres dans leur milieu naturel, tel un zoologiste britannique du 19e siècle explorant le Tanganyika, que j'ai été percuté par la validité de l'idée racialiste. ma vision du gentil nègre des îles qui vient en France pour travailler, construite par des années de propagande judéo-visuelle, s'est effondrée en quelques semaines. Les nègres sont des animaux avec les blancs et entre eux. Je pourrais compter 1000 anecdotes le démontrant, mais je vais rester bref. J'ai déjà vu des grosses négresses dégueulasses avec des gueules d'iguane, pour citer un ami démocrate lui aussi, se donner des coups de poussette pour savoir laquelle des deux extirpera la première ses 120 kilos de graisse et ses 5 macaques hurlant du bus, tout comme j'ai déjà été chippé des dizaines de fois donc par ces mêmes guenons infects me dévisageant de haut en bas avec un regard méprisant, bien sûr flanqué des gamins qui leur servent à pomper les aides sociales. Les nègres n'ont aucun civisme, aucune conscience sociale, contrairement aux blancs. Depuis que j'occupe ce poste, je suis également convaincu de l'infériorité intellectuelle de ces sous-êtres, qui est totalement incontestable. Les seules personnes à m'avoir jamais dévisagé avec des yeux vides de toute intelligence et répondant par un borborygme, à mes sollicitations étaient toutes, sans exception, des négresses au corps ravagé par les grossesses à répétition. Fait intéressant, les seuls nègres qui me donnent pas envie de stériliser médicalement toutes leurs femmes sont ceux qui s'habillent à l'européenne et parlent sans aucun accent bantou indéchiffrable. Et ce sont les moins nombreux, qu'ils doivent avoir honte de leurs congénères à peine descendus de l'arbre. Je parle des nègres sans arrêt puisqu'ils sont les plus bruyants et les plus nombreux de ce cloaque, infernal abandonné de Dieu. Mais les bougnoules, ces nègres des sables, ne valent pas un pet de plus que leurs frères, couleur chiasse. Ils sont aussi bruyants et malpolis qu'eux. La seule chose que je porte à leur crédit, purement basée sur mes observations, est un QI moyen supérieur d'une poignée de points et de vagues notions de bonne manière, sûrement héritées du colonialisme. Petite anecdote. La ville est séparée en deux par un fleuve coulant d'est en ouest, séparant ainsi une rive gauche et une rive droite. Côté droit, le centre historique, les bâtiments publics et gouvernementaux, les universités, les musées. Taux de blancheur de la population, environ 80%. Côté gauche, les bars de HLM, les bureaux de CAF flambant neufs et les centres commerciaux. Taux de blancheur de la population, moins de 10%. La ségrégation raciale est une réalité à Rouen. Je fréquentais déjà votre site au moment où j'ai commencé à ouvrir les yeux, mais en vérité, je vous prenais pour des fous furieux. Jusqu'à ce que je finisse par réaliser que vous avez raison sur toute la ligne. Voilà pour ce qui est de ma conversion à la démocratie participative. Si vous avez encore la détermination de lire un peu, terminons sur une touche de blancheur pour remettre de la gauloiserie dans cette rubrique trop souvent teintée de marron. Étant chasseur, j'ai l'occasion de rencontrer de nombreux hommes âgés qui, pour certains, ont fait la guerre d'Algérie, ainsi que des agriculteurs et des paysans bien de chez nous, c'est-à-dire des Gaulois installés depuis 100 générations sur le sol français. Je peux vous garantir que l'esprit racialiste est encore bien vif, et le vote d'extrême droite très enraciné. Voilà. Alors, je remercie ce démocrate participatif de Rouen, récemment venu à la démocratie participative, c'est très plaisant, qui nous livre en fait... quand même un petit peu les traumatismes qui amènent à cette conversion, vous voyez. C'est une conversion religieuse, un petit peu. Hein. Mais on n'y vient pas comme ça, il faut passer par une épreuve de souffrance, hein, quand même. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être Pierrot, j'ai envie d'écouter Pierrot, là, sur cette conversion. Ouais, je vois qu'on a un négrologue qui pourrait faire la concurrence à Derek. La semaine dernière, je sais plus, on parlait de l'ambition qu'on avait d'avoir une société qui soit basée sur le rationnel. Et en fait, les gauchistes, ils aiment pas trop ça, parce que si vous tapez QI World et puis Map sur Google, ça c'est un truc qu'ils aiment pas du tout, parce que la différence de QI entre les peuples, elle est criante quoi. Quiconque de façon à côtoyer les nègres ou les bougnoules, sait comment ces gens se comportent. Il y a même pas besoin de faire d'études scientifiques, mais je veux dire la science appuie ça quoi. Et pourquoi ces gens en fait ils se comportent comme des animaux, c'est aussi lié à ça en fait. Quand t'as un certain QI, quand t'as une certaine intelligence, ça t'ouvre à plus de choses. Tu prends conscience de plus de choses dans ton environnement, et notamment de l'autre. C'est pour ça que les blancs, ils sont assez altruistes. C'est aussi quelque part une faiblesse, hein, ça peut l'être. Et on se comporte bien en société parce qu'on a conscience de l'autre. Et les nègres, ils sont limités, donc ils se comportent comme des animaux parce qu'ils sont limités en fait à leur à eux-mêmes, un peu comme un gamin. J'aime beaucoup les gamins, c'est pas le souci, tu vois, mais un gamin, c'est assez égoïste. Ça pense un peu qu'à lui parce qu'il est pas développé intellectuellement complètement, et il a du mal juste à prendre conscience qu'il y a autre chose que lui dans son environnement. Oui, à se socialiser, hein. Bien sûr. Ah oui, non, mais là, c'est... Non, mais c'est... Ce qui m'intéresse, dans ce type de courrier, par exemple, qui alors c'est bien, c'est des jeunes, c'est des vingtenaires. Et en fait, dans ce cas précis, mais en fait, j'aime bien ce qu'il dit à un moment donné, il dit « je vous prenais pour des fous furieux ». C'est vrai. Quand tu auras le site, ou quand tu écoutes nos émissions, peut-être de prime abord, tu dis bah, « les mecs sont complètement barrés, ils sont vraiment toqués, quoi. Ils vont trop loin, comme on dit, ils vont trop loin ». Mais en fait, pas du tout, et de la même façon, enfin, à titre personnel, mais je pense que les autres membres, c'est comme ça. Moi, j'ai grandi dans un environnement parfaitement « normal », entre guillemets, dans les années 80-90. Donc qu'est-ce que ça veut dire, un environnement normal? Ça veut dire une famille avec deux revenus, on va dire, du niveau SMIC, donc classe populaire, voilà, les parents, voilà, hein, de ce niveau-là, ouvriers, employés, dépolitisation à peu près complète du foyer, donc il n'y a pas de militantisme, il n'y a pas d'idées marquées, il n'y a pas de, voilà, on va dire que les idées générales, si jamais d'aventure une discussion peut émerger, c'est une discussion que je situerais au centre-gauche, voilà, donc pas de référence raciste, rien de cette nature, et voilà, et puis la télévision, bah, finalement, dit plus ou moins la vérité, voilà, alors c'est le 20h sur France 2, sur TF1, c'était plutôt France 2 chez moi, je crois, voilà, à l'époque, il y avait chez nous aussi les guignols de l'info, enfin, ça regardait, bon, vous voyez, ce genre de truc. Donc, rien. Simplement, ensuite, quand vous êtes baigné au contact de la réalité, que vous êtes un peu curieux, en fait. C'est-à-dire, déjà, si vous êtes curieux, ça, c'est une qualité qu'il faut avoir. Vous êtes curieux, c'est-à-dire que les slogans que vous entendez, ça vous convient pas, vous dites, j'ai quand même envie de fouiner, j'ai quand même envie de vérifier. Vous creusez, bah, quand vous creusez de fil en aiguille, de toute façon, quand vous avez cette démarche-là, il n'y a plus grand-chose de ce qui est martelé par toutes les institutions, par les médias, les partis, les syndicats, il n'y a plus grand-chose qui va rester debout. En fait, toutes les conventions sociales qui font tenir aujourd'hui la société française et en général la société occidentale, quand vous creusez, la plupart repose sur du flanc. Et donc voilà, moi, quand j'étais gamin, jeune, on va dire adolescent, et puis en plus jeune adulte, j'ai creusé. Et puis j'ai jamais cessé de creuser, j'ai jamais cessé de m'émerveiller de l'épaisseur de mensonges qu'on nous a mis dans la tête. Donc je comprends parfaitement le cheminement d'un jeune comme ça, mais après, chacun a... Il y en a, ça peut être simplement par la démarche intellectuelle. Voilà, ils sont curieux, voilà, hop, très vite, ils vont. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils vont avoir un traumatisme personnel. Quelque chose va se passer dans leur vie, au quotidien, qui va les frapper, qui va les pousser. Alors là, c'est plus le cas de notre auditeur, de notre jeune auditeur. Alors lui, voilà, il vit, je viens de la campagne... Pareil, hein, la politique, voilà, pas raciste spécialement, ouais, c'est pas un sujet. Puis j'atterris au milieu de Rouen, et là je me rends compte qu'il y a un facteur racial, ça existe. C'est pas une construction sociale, comme disent les gauchistes. Non, non, c'est une réalité, c'est biologique, c'est matériel, on le voit, et on l'expérimente, voilà. Donc, il y a des parcours différents, mais voilà. Et en fait, dans l'émission, c'est ce qu'on est, comme j'ai dit la semaine dernière, avec un témoignage un peu similaire, l'idée dans l'émission, c'est de faire gagner du temps aux jeunes. C'est-à-dire d'aller très très vite à l'essentiel, de très très vite se poser les bonnes questions, sans tabou aucun. Parce que pourquoi s'en fait les tabous? C'est pour empêcher les gens de se poser des questions. C'est pour les dissuader, par la peur. Et là, c'est le dernier point que je vais développer, ensuite je donne la parole aux autres participants. Quand on est jeune, enfin je veux dire, surtout quand on est jeune, on cherche à se socialiser. C'est normal. Quand on a 18 ans, 19 ans, on en a avant, mais quand on va devenir étudiant, qu'on va s'émanciper progressivement de sa famille, de ses parents, qu'on va chercher un petit boulot, etc., on va très vite être au milieu de jeunes de son âge. On va fréquenter des copains, etc. Bon. On va très vite voir qu'il y a des normes à respecter pour être en société et pour être dans un milieu donné, pour être avec des gens donnés. Et le problème qu'on va avoir, c'est que si on est lucide et qu'on voit les choses... sans se mentir, on va très vite être tiraillé entre faire semblant de pas voir ce qu'on voit pour rester dans le groupe, par mimétisme, et au contraire, challenger le discours ambiant, les idées, j'ai envie de dire les préjugés, hein, comme ils disent les gauchistes, les idées préconçues qui sont fausses, etc. Et on va très vite comprendre que le prix à payer pour ça, c'est une forme de marginalisation imposée. Parce que, évidemment, il faut se rassembler autour de mythes communs, ou autour de mensonges communs. Et donc, entre la superstructure qui existe dans la société, c'est-à-dire le domaine des idées collectives qui prévalent, les tabous, les interdits idéologiques, au contraire, les idées qui sont valorisées, etc., on va vite se sentir en décalage, oui, mais on va vite comprendre qu'on risque gros, socialement. Donc moi, je dis, et j'en termine, il faut toujours être très prudent quand on est jeune, quand on a des idées. Non pas qu'il faille pas creuser, ça il faut creuser toujours à fond, il faut être extrêmement prudent quand on veut les exprimer. Moi, j'ai un conseil à donner, par exemple, il faut jamais parler de politique en famille, sauf quand vous êtes dans un milieu très favorable. Mais sinon, il faut pas en parler. Parce que sinon, parce que vous êtes en famille, en fait, parce que vous avez des liens de sang, et vous n'êtes pas là pour avoir un discours politique avec eux, et eux-mêmes, inversement, sont pas là pour avoir un discours politique vis-à-vis de vous. Donc il faut pas mélanger les genres, j'ai envie de dire. Idem dans le domaine professionnel. Faut pas parler de politique dans son boulot. Ça va être des problèmes. Et ça peut coûter gros. Donc il faut avoir conscience, je veux dire, du danger social d'avoir des idées en décalage radical, qui sont vraies, hein, de notre point de vue, bien sûr, mais et de les formuler en public, parce que ça peut vraiment vous coûter cher. Donc plus on est jeune, plus on le sait, plus il faut être prudent. Donc il faut en savoir un maximum, et à contrario, je dirais qu'il faut être avare de ses idées en public. Voilà. Ce que je dirais à un jeune qui vient sur nos idées. Voilà. Si quelqu'un d'autre veut dire quelque chose. Non, alors moi, j'ai raconté comment j'en suis venu sur la question juive. Parce que c'est un petit peu un rite de passage dans nos milieux. C'est... comment on s'est fait entre guillemets dépuceler sur la question des 6 millions. Et je crois que la seule qualité essentielle, c'est juste la curiosité. Uniquement. Parce que moi, je ne suis absolument pas d'un milieu d'extrême droite, je viens un petit peu du même milieu que toi, Gandalf. Mais j'ai fait l'effort de regarder un documentaire qui était de Monsieur Fourisson à l'époque, jusqu'au bout. Donc il y a une question de curiosité et aussi, je pense, une question de concentration. Enfin, la question juive, généralement, elle a quand même, enfin, révèle énormément de choses. Et une fois que le travail est fait, on ne voit plus du tout les choses de la même façon. Et vraiment, éviter, enfin, je vous dis ça en connaissance de cause, éviter d'en parler. Dire, faites de l'entrisme, n'en parlez pas. Et si vous jamais vous essayez d'en parler à un collègue que vous pensez converti ou sur votre ligne, soyez fin, soyez plus fin que vos adversaires parce que vous êtes en terrain hostile, hein, très souvent. Faites très très gaffe. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ou bien tiens, Fulbert, peut-être un homme de sagesse, un homme de plus d'expérience. Donc on n'a pas grandi à la même époque. Tu peux peut-être nous en dire plus, Fulbert, peut-être sur ta... Oui, comment t'es arrivé à maturité, en fait, sur toutes ces questions-là? Oui, ben... c'est un peu... C'est pas particulièrement original. Moi, ça remonte à... Un jour, un ami qui fréquentait la bibliothèque à Bruxelles... Elle m'a dit, il y a un document assez intéressant qui n'existe pas en format original. C'est une copie qui a été retranscrite par machine à écrire. Ça ne veut pas dire à quelle date, bien entendu. C'était une photocopie des fameux protocoles, dit les protocoles des sages de Sion. Et il a lu ce ramassis de feuillets, et il les a photocopiés. Il en a distribué, il en a photocopié 5 exemplaires qu'il a distribué à gauche, à droite. Et j'étais une des personnes à qui il a fourni un exemplaire. J'avais, à ce moment-là, une certaine idée de la société, de la façon dont elle aurait pu fonctionner. Mais disons que je n'étais pas très documenté, j'étais relativement ignorant. Et lui m'a amené, comme des tas de gens d'ailleurs, hein, j'avais une certaine sympathie pour le monde juif. Oui, j'avoue, humblement. Jusqu'au moment où cette personne m'a amené ce document. Et là, ça m'a vraiment surpris. Hein, et beaucoup de gens en parlent, personne ne le lit ou presque, mais quand on a lu ce document, c'est assez surprenant. D'ailleurs, c'est aussi du coup j'ai fréquenté aussi la bibliothèque à Bruxelles, et c'est là que j'ai découvert un autre document formidable, je trouve, pour les gens comme nous, qui est un grand classique, qui est l'histoire de l'armée allemande de Benoît Méchain. Voilà, c'est comme ça que je me suis un petit peu sorti de cet esprit de démocratie fondamentalement crasseuse à mes yeux. Voilà. Ça, c'était dans les quelles années, Fulbert? Ben, ça remonte, je dirais, vers 1980, par là. D'accord, d'accord. D'accord. Alors, on va peut-être faire un travail d'autocritique, ou je sais pas, mais est-ce que quelqu'un veut en rajouter sur son propre parcours, sur peut-être... Est-ce qu'il y a quelque chose qui a... Enfin, ce qui m'intéresse de ce que tu as dit, Fulbert, tu vois, c'est le fait que ce soit... finalement, un ou deux ouvrages qui ont été marquants, qui ont été un pivot dans le début de ta prise de conscience, quoi. Ça, c'est intéressant, ça, à observer. Mais c'est-à-dire que les protocoles sont tellement spectaculaires quand on les lit qu'on se dit, ou bien c'est une blague, c'est d'ailleurs sur cette impression que se basent ceux qui le nient, qui disent, voilà, c'est un document faux et apocryphe, non signé. Donc il y a qu'à toutes de bonnes raisons d'être faux, parce que il est tellement spectaculaire dans les principes, dans les idées écrites, que on a un petit, c'est trop beau, c'est trop bien fait, c'est trop juste, ça cadre fantastiquement bien avec notre époque, alors que ce document serait sorti, d'après ce que j'ai lu, vers 1895 par là, et en Russie en premier, paraît-il. Non, en fait, c'est, enfin, la théorie officielle, c'est que c'est un pamphlet adressé contre Napoléon III et qui s'appelle Dialogue aux enfers entre Rousseau et Montesquieu. Oui, c'est la théorie officielle. Oui, certes, certes, certes. Moi, je te dis ce que j'ai lu. Ça devait être dans une espèce de préface ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas extrêmement documenté sur les origines de l'ouvrage. Je savais ce que tu viens d'expliquer, effectivement. Mais je veux dire qu'il y a une correspondance assez étonnante entre l'écrit lui-même et ce que nous vivons aujourd'hui. Grosso modo, une bonne centaine d'années plus tard. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, faut préciser pour ceux qui nous écoutent, parce que il faut quand même se remettre toujours, faut toujours contextualiser, se remettre dans l'époque, parce que bon, surtout les jeunes auditeurs s'en rendent pas compte. Mais en 1980, il n'y a pas d'internet. Il suffit pas de 3 clics, protocole des sages de Sion. De quoi s'agit-il? Faut voir ça. C'est-à-dire que comme tu le dis, même si t'avais voulu te mettre en quête consciemment de cet ouvrage, t'aurais eu du mal à le trouver. Et il t'est tombé dessus par hasard, mais il t'est tombé dessus par hasard, comme dit, sous une en forme de liasse photocopiée, passée de la main à la main. Donc, je veux dire, il y a le, comment dirais-je, cette prise de conscience que toi t'as eue, parce que voilà, ça s'est passé comme ça. Les jeunes doivent le comprendre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas cet accès à toute une série d'ouvrages, de vidéos, de films, qu'il y a aujourd'hui, qui est très récente, hein, en fait. Même sur YouTube, on a l'impression que ça existe depuis toujours, mais pas du tout. compte tenu des contraintes technologiques et aussi du travail d'archivage qui a été fait entre-temps, on a maintenant, en 2019, sur YouTube ou sur Dailymotion, par exemple, des documentaires, des témoignages, des interviews, des entretiens, qui sont des pièces historiques d'une réelle valeur et qui étaient inaccessibles pour certaines pendant 80 ans. Donc voilà ce que je veux dire. Il faut souligner ça. Donc Fulbert, voilà. Donc toi, donc t'es là, un copain te dit tiens, vas-y, lis ça, tu vas voir, c'est quelque chose. Et alors il y a cet ouvrage et il y en a un second. Tu dis ça, c'est un livre sur l'armée allemande et qui est en fait un livre non conformiste hein, sur l'armée allemande, qui t'a aussi fait complètement revoir l'histoire officielle qui était diffusée par le pouvoir établi, quoi. Oui. D'ailleurs, il faut, si tu permets, je vais un petit peu développer cet ouvrage de Jacques-Benoît Méchain, qui s'appelle donc « Histoire de l'armée allemande », mais qui parle pas uniquement de l'armée allemande. Il entreprend l'armée allemande dans sa description comme étant une sorte de colonne vertébrale qui a permis à l'Allemagne, vaincue du premier conflit mondial, de survivre à la déchéance, à la prise de pouvoir par des groupes organisés, qu'ils soient juifs, bolcheviques ou encore d'autres, hein, plus modérés, qui a permis donc à l'Allemagne de ne pas sombrer dans une déchéance totale. Bon, ce livre parle de ça, mais celui-là, il ne parle pas que de cela. Il parle aussi de toute la situation de l'entre-deux-guerres, aussi bien en Europe que dans le monde. Il y a par exemple des développements très intéressants sur l'Italie et sur le Japon. Vous comprenez pourquoi. Ce livre parle évidemment d'opérations militaires lorsqu'elles ont eu lieu, naturellement, mais il parle, ou paramilitaires surtout, mais il parle aussi de diplomatie. Il parle de politique interne à l'Allemagne. Ce livre est scindé en 6 tomes. Je pourrais vous dire les éditions, mais je ne l'ai pas sous la main, donc je ne le dirai pas. Mais il existe aussi dans la série. Il est paru aussi dans la série bouquins chez Albin Michel. C'est ça, hein, Albin Michel. Ouais. C'est un ouvrage qui a été réédité pour la première fois dans le début des années 50, si je ne m'abuse, sur ordre du général de Gaulle lui-même, pour l'école d'officiers de Saint-Cyr, pour vous donner une idée. Cet ouvrage est, à mon sens, une véritable bible du nationalisme et d'un nationalisme assez objectif. Si les nationaux-socialistes allemands, qui occupent une bonne partie de cet ouvrage, ont un rôle relativement positif, Benoît Méchain ne leur épargne rien. Il parle aussi de choses qui sont peut-être un petit peu moins parfaites, mais qui parfois se justifient. C'est un livre, c'est une Bible. Pour nous, c'est une Bible, je le répète. Oui, j'oubliais de dire une chose, un petit peu dans le même ordre d'idée que pour les protocoles. Comment ai-je découvert ce bouquin? C'est simple. Il m'est arrivé un jour d'acheter un livre en presse pocket, si je ne m'abuse, et dont l'écrivain était Dominique Venner, et le livre s'appelait Balticum, qui a été republié par la suite sous le titre de Histoire des corps francs allemands dans la Baltique, par la suite Histoire d'un fascisme ou quelque chose comme ça, mais c'est le Balticum originel. Et dans ce livre qui explique les actions de l'armée, mais aussi des corps francs, donc paramilitaires allemands, dans l'immédiate après Première Guerre mondiale, Venner parle, dans le début de son bouquin, des ouvrages maudits qu'il avait lu et qui l'ont amené à écrire Balticum. Et les ouvrages maudits qui appartenaient au père de Dominique Venner c'était justement Histoire de l'armée allemande de Jacques Benoît Méchain. Donc je n'ai eu de cesse de retrouver, Balticum m'ayant beaucoup plu, je n'ai eu de cesse de retrouver l'histoire de l'armée allemande que j'ai trouvée à la bibliothèque dans un premier temps, puis que j'ai pu acheter dans un second collège plus tard. On va peut-être passer au courrier suivant. Troisième courrier. Alors, bonjour l'équipe. Si je vous écris en ce jour, c'est pour vous faire part de mon expérience toute particulière du milieu lycéen et des différentes des différents vices idéologiques qui se sont emparés à grande vitesse dans ces établissements de notre magnifique république choatique. Mon témoignage, certes modeste, va vous confirmer encore plus la crise intellectuelle globale qui sévit donc dans le secondaire, l'enseignement secondaire. Étant en terminale, j'aimerais vous faire part de différentes situations que j'ai eu la stupeur de rencontrer durant cette magnifique dernière année de terminale. Ayant vu que vous avez que vous étiez intéressé en ce moment au milieu étudiant, je me suis dit que mon témoignage ne pouvait que confirmer l'état de dégénérescence massif qui s'est emparé de l'enseignement. Tout d'abord, mon établissement est un lycée de ville plutôt réputé et exigeant vis-à-vis des élèves. C'est donc tout naturellement que le quota de nègres et de bougnoules est assez bas de par les attentes du corps enseignant, et c'est, je dois dire, une bénédiction de se balader tous les jours dans un lycée français qui n'a pas été encore totalement négrifié. Pour vous narrer mes aventures, dans ce drôle d'endroit qu'est le lycée en France occupé, j'ai choisi plusieurs exemples de situations, et je vais m'empresser de vous en faire un condensé. Il est d'abord important de constater que la majorité du corps enseignant est dans la tranche d'âge 50-60 piges. En soi, ce sont des boomers. La première situation qui m'est apparue fut une après-midi, en cours de cinéma, le prof, style lunettes de gauchiste, ventre bien rond et costard en vieux tissu, l'alchimie même du socialiste à dessous. Ce jour-là, si je me rappelle bien, nous étudions un film, et alors un personnage s'appelait Tramp, T-R-A-M-P. Vient alors la remarque d'une petite peste de la classe, comme quoi le nom rappelle vaguement le président des États-Unis. Il n'en fallait pas plus, et c'est alors que le prof traite Trump de clochard. Oui, de clochard. Vient une semaine plus tard une discussion où le prof marxiste arrive à caser Louis-Ferdinand Céline. Un élève lève le doigt et s'indigne en vociférant que c'est honteux qu'un tel auteur soit encore lu de nos jours, qu'il devrait tomber aux oubliettes de l'histoire. Le prof acquiesce et en profite pour ajouter que les États-Unis canalisent la haine. En effet, on ne peut se déclarer avec des opinions national-socialistes sans pour autant finir au bagne aux USA grâce au premier amendement. Et alors la stupéfaction dans la classe, les heures sombres sont de retour, les goy découvrent la liberté d'expression, ce fut horrible pour eux, les yeux écarquillés, la bête immonde était réveillée. Alors là, ce qu'il nous explique, c'est qu'en fait, que durant le cours, les élèves découvrent le premier amendement de la Constitution des États-Unis, qui dit en substance qu'on peut s'exprimer librement. Et alors là, la réaction, c'est le choc. Voilà, le choc. Ah, on peut dire ce qu'on veut, vraiment, horreur. Bon, voilà ce qu'il nous dit, hein. Alors, mais le pire restait à venir, car ce prof est l'un des moins marxisés de tous. Deux profs ont atteint un niveau, digne des Youpins. C'est dire, laissez-moi vous raconter quelques scènes cocasses. Comme vous devez naturellement le savoir, cela fait bien longtemps que les goy n'étudient plus l'histoire de France. Maintenant, l'enseignement marxiste se focalise à fond, entre deux cours sur la Shoah, sur le tiers-monde. Le prof, qui est un magicien socialo, a d'ailleurs ce petit talent de juif d'arriver à parler des PD, des juifs, des nègres, avec n'importe quel sujet. Que vous parliez des antilopes, de la Chine ou du tropisme, il arrivera toujours à faire une réflexion sur la trinité hébraïque qui se focalise sur les PD, les nègres et la Shoah. La scène se déroule en fin de journée, les cours se terminent sans accroc, et c'est alors que le prof lance une vidéo sur la journée des droits de la femme. Au bout de 10 secondes de vidéo, nous commençons à râler et rire avec mon pote au fond de la classe. En effet, des négresses en boubou, des moukères et des blanches ménopausées dans une sorte de clip larmoyant se dévoilaient sous nos yeux, avec des écriteaux insistant sur notre faute, à nous les hommes, d'être de méchants machistes. Le prof, excédé du chahut, coupe la vidéo, nous désigne coupables et sexiste en hurlant de rage et fait sortir tout le monde de la salle. Le lendemain, beaucoup de gens ne dévisagent. Mission réussie. Les deux goy récalcitrants à l'idéologie tarée féministe sont en train... de se faire marginaliser par le bétail goy qui l'entoure. Mais c'est alors que le boomer, plein d'entrain, n'abandonne pas sa tâche. Il relance la vidéo et cette fois-ci, le silence est religieux. La terreur règne. Profitant de l'écoute fanatique expliquée en grande partie par la majorité de femmes dans la classe, le prof lance un clip d'une Gwyn au drapeau PD sur le blouson, chantant dans un clip délirant sur les droits des sidaïques. Pendant 4 longues minutes, nous sommes restés sur notre chaise à deux doigts du coma devant cette chiasse visuelle et cette propagande digne de l'ère maoïste. J'ai bien entendu des dizaines d'autres exemples, mais il faut que je vous parle de mon prof de philo sémitisé jusqu'à la moelle, un vrai cas d'école, un produit fini des disciples d'Israël. Nous sommes en cours sur un sujet divers, dérisoire. Comme peut en contenir la philosophie, et vient alors la question des camps d'extermination sur la notion moderne de l'individu. Un sujet de philosophie que mon prof a lui-même théorisé, sortant plusieurs bouquins soutenus par des sites sionistes. Cela vous donne déjà une idée globale du personnage. Pendant 2 heures, en roue libre, du hors-programme assumé, le prof va nous parler des camps et du mythe hébraïque des chambres à gaz. Il va alors nous distribuer des textes de Primo Levi. Et alors le pathos commence. Le silence se veut religieux dans la classe par peur d'être accusé du pire. Et les élèves écoutent pétrifiés. Le prof lance même... sale goy que nous sommes, que 88 juifs sont morts dans le camp du Struthof, dans une chambre à gaz en France. La peur se fait ressentir sur les visages, les mains sont moites, mais ce qu'il y a encore de plus intéressant, c'est qu'en dépit de tout cela, les élèves, après 30 minutes de pathos, ont commencé à parler entre eux, n'écoutant quasiment plus la complainte sémitique. Et alors, face à cette déviance des goyes, le prof va reparler des chambres à gaz et de plus en plus des horreurs national-socialistes. Au bout d'un laps de temps, il va regagner un peu d'attention par ici, par là. Je pourrais bien évidemment évoquer le récit d'appel à l'invasion constante de mon prof d'histoire, sur fond d'humanisme larmoyant, la dénonciation virulente du régime de Franco pour les crimes envers les rouges de ma prof d'espagnol, ou bien la feuille d'étude qui explicite qu'être hétéro est une construction sociale qui nous est imposée dans le programme d'anglais. Mais tout cela serait bien trop long et éprouvant, tant cela me donne la gerbe. Quant à votre site, de très bonne qualité, m'assurant régulièrement des tranches de rigolade bien agréables, en ces temps de malheur pour l'homme blanc, je voudrais dire qu'il est très formateur et intuitif, et vous remercie pour le travail de réinformation de qualité quotidien que vous faites. Je crois en la jeunesse, en la conscience de groupe racial, à l'homme blanc fort, conquérant. Si l'homme blanc doit mourir, c'est toute l'humanité qui la suivra dans un abîme sans fin. Nous sommes la dernière génération avant que les orques du Mordor nous dépassent démographiquement. Jeunes blancs de tous les pays, unissez-vous, marchez côte à côte, main dans la main, contre l'envahisseur, ainsi soit-il. Alors, il y a des lycéens intéressants en France qui nous écoutent, alors je sollicite vos réactions. Beaucoup, hein. Et il va bientôt y avoir des classes d'épée, des sociétés démocratie participative, des associations lycéennes. Ah bah, ça va venir. Hein. Une maçonnerie démocratie participative. Une maçonnerie lycéenne nationale socialiste. Ce serait bien. Ouais. Bah, ça les oblige un petit peu à la schizophrénie, parce que dans les classes, ils sont obligés de dire ce qu'on veut qu'ils disent, mais qu'ils soient conscients, que certains soient conscients de la réalité, c'est formidable. Il y aurait tellement de trucs à dire sur ce témoignage, le prof de philo qui parle des chambres à gaz, mais dans l'histoire de la philosophie, il y a quand même pas mal d'auteurs qui étaient relativement antisémites. Alors, comment ça se fait, le professeur de philo n'en parle pas? Schopenhauer n'était-il pas antisémite? Ne parlait-il pas de la puanteur juive dans le fondement de la morale? Nietzsche a-t-il été toujours sympathique envers le peuple élu qui a tant souffert? Bon, voilà. Heidegger. Oui, Heidegger, c'est bien connu. Ah si, c'est vrai, non, mais c'est quand même important. Les très grands philosophes qui sont reconnus, hein, je veux dire, d'ailleurs qui ont même inspiré la gauche, enfin Heidegger a quand même inspiré Sartre, c'est des gens qui ont quand même conclu, alors attention, hein, pas toujours avec tapage, mais qui ont quand même conclu que cette race, voilà. Alors moi, bah, Alexis, je te pose la question. Cours de philo, et ça termine sur les chambres à gaz. Mais les chambres à gaz, c'est quand même une question... Moi, je suis un peu dans la fibre scientifique promue par Forisson. Ça devrait être une question d'histoire, à la limite une question d'expertise technique. Or, ça devient un sujet de philosophie. Alors là, j'ai quand même du mal à comprendre comment on bâtit des propositions philosophiques sur quelque chose qui, excusez-moi du peu, n'a toujours pas été démontré. Parce que les gens ne savent pas ça. Non, non, c'est pas de la philosophie, c'est de la théologie. Ouais, c'est de la théologie. Je n'osais pas le dire. Ah bah... Oui, si, en fait, c'est un peu ce que je voulais dire en substance, mais ce que vous révélez, ce qui est révélé par ce témoignage et par vos analyses, c'est une chose, c'est que dans beaucoup de classes, soi-disant de philosophie, on n'apprend pas vraiment de philo, c'est-à-dire que la philo, c'est bah, d'abord c'est un certain nombre d'auteurs classiques, certes traduits en français, mais il faut un certain niveau de langue et un certain niveau de culture pour pouvoir les aborder. Il y a plein de jeunes qui, à 18 ans, n'ont pas les moyens, donc en fait, les profs, là, je ne vais pas trop taper sur eux, mais ils prennent des biais détournés en prenant des sujets plus abordables, plus simples, et certains qui n'ont vraiment pas grand-chose à voir avec la philo. Enfin, je ne dis pas qu'aucun philosophe n'a parlé des camps que ce soit. Ça existait, des philosophes reconnus comme tels qui se sont exprimés sur le sujet, mais de là, en faire une thématique à part entière, c'est une erreur. Hein. Mais voilà, il faudrait demander à ce que les lycéens vous apprenez ce que vous faites du Platon, ce que vous faites du Aristote, ou bien non, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on va broder sur des sujets de société hyper politiquement corrects. Sachant, dernier point là-dessus, c'est que normalement, l'apprentissage de la philosophie, analyser les termes, comment dire, analyser le discours, analyser les arguments, les contre-arguments, c'est un travail qui permet de former l'esprit critique. Or, ceux qui, les profs marxistes, etc., en réalité vont dans le sens de la doxa, ils vont dans le sens du mondialisme, du sans-frontiérisme, du fait que les peuples n'ont pas de racines, que les gens sont interchangeables. Guillaume Fay aimait bien le dire, mais Aristote a par exemple dit déjà qu'un peuple ne pouvait exister que s'il était biologiquement homogène. Hein, il avait déjà compris ça il y a 25 siècles que s'il y avait des gens de partout dans le monde, on ne pourrait pas faire une société. Bon, ça, il faudrait mettre ça sous le nez de Sport Marxiste, par exemple. Oh, bah, avec, je pense, toute l'humilité qui serait la sienne, il dirait que Aristote s'est trompé. Bah, tu pourrais faire des sujets de philosophie intéressants avec le politiquement correct. Par exemple, sujet de dissertation, vous avez 4 heures. Comment les choses peuvent avoir eu lieu puisqu'elles sont techniquement possibles ou techniquement impossibles? Ce serait intéressant. Les historiens ont-ils le droit à la licence poétique? Hashtag Raoul Hildberg, l'ennemi de Forisson. Hein. Ou alors, si nous sommes tous pareils, pourquoi le racisme est-il interdit? Pourquoi faudrait-il mélanger les races alors que les races n'existent pas? Ah, j'en ai une, j'ai une excellente proposition. Hein. Puisque nous venons tous d'Afrique, en quoi la colonisation est-elle un crime? Ah non, mais attention, là je suis un peu comme Cohn Bendit. On va refaire les sujets du bac bientôt. Ouais, bah ouais, non, mais moi je suis comme Cohn Bendit, je m'inscris dans, comment dirais-je, la philosophie de l'imagination au pouvoir. Je suis pour l'imagination au pouvoir, il est interdit d'interdire... Puisque les jeunes filles de 5 ans ont une sexualité, pourquoi leur en priver? Ah bah là tu peux jouer un peu la chutzpah, un petit peu au culot hébraïque, là tu vas quoi, tu pousses un peu les murs juste pour voir jusqu'où ils sont prêts à aller dans la folie ambiante quoi. Hein, ouais. Alors, en plus il nous dit hein, l'auditeur, c'est un lycée plutôt réputé, hein, c'est pas un bouge. Du tout, hein. Je pense que c'est un peu du privé, hein. Enfin, j'imagine pas les lycées, les collèges dans le public, parce qu'ils sont dans un état en France qui est lamentable, être aussi gauchistes. J'imagine les profs résignés, en fait. Mais enfin, je veux dire, quand t'es au contact quotidien de la racaille française qui peuple nos lycées, je veux dire, soit tu finis dépressif, mais tu peux pas être à ce point gauchiste. Pour moi, c'est pas possible. Alors moi, j'ai une question. Là. C'est purement technique. Je vais peut-être qu'Alexis va pouvoir m'aider. probablement bientôt abandonner la philosophie dans l'enseignement, enfin dans le secondaire, parce que je veux dire, avec des classes de Toufik et de Mamadou, je comprends pas bien la raison d'être de la philosophie. Donc peut-être que finalement on va résoudre le problème par la race, hein, je sais pas. Hein, mais je m'interroge. Bah oui, bah d'ailleurs, c'est rare qu'une prof ou un prof enseignant dans les classes écrivent des livres. Enfin, il y en a une qui, il n'y a pas très longtemps, je crois qu'elle s'appelle Anne-Sophie Nogaret, mais voilà. Elle a écrit un livre parce qu'elle s'était fait insulter par un Mamadou, et elle n'a pas été soutenue par sa hiérarchie, et ses collègues lui ont dit que c'est sans doute parce qu'elle était raciste, qu'elle avait froissé l'élève, et donc elle a écrit un bouquin, donc elle dit que voilà, l'énième bouquin pour dire que le niveau baisse, et qu'il y a des incivilités, etc. Bon, elle ne remet pas en cause l'immigration de masse, elle ne remet pas en cause cela à ma connaissance, mais c'était intéressant de voir, elle disait que bah, les contenus, les contenus sont un peu abandonnés, tout simplement. Donc après, vous aurez des gens qui ont un minimum d'intelligence, souvent ce sera des blancs sans doute, mais qui iront, bah, qui c'est déjà le cas, hein, la preuve, qui vont sur Internet, qui vont sur YouTube, qui vont, alors il y aura sans doute du déchet, mais s'ils sont des gens intelligents, ils vont croiser leurs sources, et ils vont pouvoir se faire des idées sur les opinions, ils vont écouter les bons médias, hein, suivez mon regard. Et ça ira mieux, et puis en fait, un jour, on dira que le lycée, ça sert plus à rien, c'est juste en fait pour une garderie pour faire perdre du temps, puis on arrêtera ça, je pense. Je pense qu'on va vers un truc nouveau, là, enfin, un nouveau paradigme, parce qu'en fait, les nègres et les bougnoules vont poser comme nouveau jalon du progrès, en fait, l'abolition, en fait, de l'enseignement, d'une manière générale, et notamment, ça va commencer peut-être par la philosophie, en disant que c'est des philosophes blancs, voilà, que c'est une forme d'oppression, en fait, que l'enseignement est une forme d'oppression, et ils vont demander à toujours avoir les diplômes, bien sûr, ils vont demander les diplômes, parce que quand même, au nom des droits civiques, de l'égalité, mais sans passer par l'enseignement, parce que c'est oppressif, et en fait, je pense qu'au bout d'un moment, le naturel va revenir, quoi, et les nègres vont dire, bon, maintenant, arrêtez de nous persécuter, vous les gauchistes blancs. T'as déjà commencé, Gandalf, hein? Ah ben, j'ai vu un truc pareil, hein. Ouais, je pense que ça va venir. Et il faut faire un pareil sur YouTube. Donc c'est un pays anglophone, je sais pas c'est lequel. T'as une négresse comme ça qui s'insurge parce qu'en fait la science, en fait c'est la science des blancs, donc c'est raciste. Voilà. Donc c'est un peu le comportement que tu viens de décrire. Ouais, non mais je pense qu'on va y arriver. Ils vont dire non, on veut les diplômes. Mais il faut que ce soit des sciences qui soient propres à nous, notre culture et tout. Alors bon, là, je sais pas, enfin, vous imaginez ce qui pourrait se proposer, quoi. Des récits de sourates du Coran, enfin des trucs comme ça, quoi. Ils vont vraiment dire arrêtez de nous oppresser avec la philosophie, avec l'histoire de France, l'histoire tout court, la géographie, voilà. Et en fait, les choses vont se remettre en ordre assez vite. C'est-à-dire que les Blancs, eux, ils veulent apprendre quand même en général, même si le niveau baisse, bon, pour des raisons, on ne va pas revenir. Mais on pourrait arriver en fait à une séparation à l'amiable, les Blancs reprenant un peu vigueur et confiance en eux-mêmes et continuant à faire ce qu'ils ont toujours fait. Et pareillement pour les nègres, les arabes, etc. Et voilà. Je pense qu'on va y arriver. Je veux le croire. J'espère. Bah, t'as déjà une forme de diplôme différencié, puisque tout le monde sait que dans les académies grand remplacées, les bacs qui sont donnés, enfin les notes sont ultra surgonflées. Hein. Ouais. Bah, déjà, qui est aggravé par la réforme du bac. Hein, la réforme du bac, il y aura davantage de contrôle continu. Hein, donc, Ah, tu veux pas expliquer ça un peu? Bah alors là, je me suis pas intéressé en détail. Je crois que sur Twitter, il y a un gars qui s'appelle René Chiche qui est à fond dans ces trucs-là parce que c'est son métier et tout. Donc il me semble, si j'ai compris, j'ai suivi la réforme du collège, enfin la réforme du lycée surtout à travers ses tweets. Si j'ai bien compris, la seule épreuve en 2021, je crois, la seule épreuve sur table qui restera, ce sera l'épreuve de philo, justement. Et le reste sera évalué au cours de l'année par les enseignants, avec un vivier de sujets qui sera donné par les académies. Donc il y aura... on sait aussi qu'il y a l'idée de faire des économies, on dit le bac coûte tant et tant, qu'il faut mobiliser les gens pour corriger, etc. Et là, ce sera fait pendant l'année sans leur payer de bonus, quoi. Ce sera ça, la différence. Alors... Le courrier suivant fait raccord avec ce qu'on dit, Je vous le lis tout de suite. Donc c'est numéro 4, un courrier numéro 4. Salut à tous les démocrates participatifs. Je tiens à vous faire part de ce courrier en réponse à l'émission de la semaine dernière à propos des nègres studieux de l'éducation républicaine. Je suis raciste et j'écoute l'émission depuis quelques années déjà. Je n'ai jamais exprimé mes idées en public sous peine de me faire lyncher. Par exemple, une fois j'ai osé dire que le handisport me rendait mal à l'aise. Grave erreur, mon frère Rouge et ma sœur, professeurs des écoles, m'ont vomi leurs idées dessus pendant 2 heures sans rire. Je suis également étudiant en licence de sociologie, ce qui n'arrange pas ma situation, je l'admets. Je m'y suis inscrit car je suis passionné par l'anthropologie, le fonctionnement des sociétés, on y trouve des auteurs de tous horizons, etc. On étudie la société sous un certain prisme, mais trop souvent marxiste. Enfin, il y a un manque de prise en compte de la biologie, la conscience raciale est inexistante, ainsi que le relativisme des cultures obligatoires. Sans oublier les blocus des étudiants étrangers, bougnoulés nègres, juste avant la semaine d'examen. La plupart des gens sont antiracistes, donc anti-blancs. Les amphis de cours sont composés à 80% de blanches féministes non vindicatives pour la plupart. Ce sont les seules personnes que je côtoie dans ma classe. Pour le reste, quelques pédales, fiottes en tout genre, des beurrettes féministes acharnées et enfin, des sales nègres. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée en cours de l'année. Au cours de l'année, quel est le meilleur devoir noté à réaliser quand on est entouré de filles semi-dépressives, féministes ou cannabistes et de sales négros? Un exposé en groupe, bien sûr. Tout au long de l'année, j'ai réalisé mes exposés avec une fille calme et travailleuse. J'ai eu plusieurs bonnes notes, je l'avoue. Mais un jour, dans notre groupe de deux, le prof nous a lâché un négro à tête de poisson, avec un nom d'Amerloc. Comme je m'y attendais, le nègre n'a pas travaillé et ne venait pas en cours. Il s'est pointé le jour de l'exposé sans avoir rien foutu. On s'est réparti le travail que j'ai réalisé avec la nénette, puis, comme prévu, 17 sur 20. Le négro, sans remords, a été tout fier du travail réalisé. Alors que la seule trace de lui dans l'exposé, c'est son nom que la fille a écrit dans le diaporama. J'ai donc fait redescendre le nègre de son arbre en lui disant la vérité en face. Qu'il n'avait rien fait et que c'était donc un parasite. Bref, je lui ai rappelé sa condition de nègre indolent en soi. Je commençais à m'emporter, le bamboula tentant vainement de son côté à chercher des excuses, dit simplement « Ah, ok, ça marche !» Je ne m'attendais pas à ce qu'il se soumette de la sorte. C'est peut-être dû à sa consommation de shit ou à sa flémardise biologique. Je suis donc reparti. La fille, ayant tout vu, était en admiration et me remercia chaleureusement car elle avait envie de lui dire depuis un moment. Voilà, j'espère que ce courrier vous sera utile. Je pense m'exiler bientôt et partir de ce zoo qu'est la France en 2019. Sieg Heil. Alors là, sociologie en milieu hostile d'extrême gauche est déjà mélanisée. Il y a déjà un jeune qui nous écoute qui est vacciné. C'est très très positif. Alors, c'est raccord, comme je disais, avec ce qu'on disait juste avant. Hein. Donc peut-être que je vais redonner la parole peut-être à Alexis sur ce topic, ou quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Oui, bah, disons que ça, c'est un des grands trucs récents, c'est de, enfin, récent, pas vraiment, hein, ça fait déjà au moins 20 ans, je pense que c'est le cas, c'est de dire, vous faites des exposés en groupe, mais forcément, il y a toujours des gens qui vont rien foutre et d'autres qui vont porter les autres, donc, et par contre, on va donner en général la même note, ou à peu près la même note, à tous ceux qui ont participé, donc déjà, c'est bien de l'avoir fait remarquer pour le gars, mais c'est bien d'avoir porté ses couilles, si j'ose dire. C'est le mec qui a assumé totalement, il a dit les 4 vérités, ça c'est bien, parce que c'est pas toujours facile, hein. Souvent c'est risque et péril, donc bravo, j'ai pas d'autre chose à dire pour le moment. Non mais c'est... Ouais, il faut comprendre ça, c'est une stratégie. Parce que le prof arrive, il fout le nègre dans le groupe, pourquoi? A priori comme ça, je veux dire, il a pas expliqué au gosse. Il n'aura pas dit, voilà, je vous mets Bamboula, là, non, non. Il est bon, bah, écoutez, j'aimerais vous parler, voilà, donc il va rentrer dans votre groupe, là, vous allez faire l'exposé ensemble, d'accord? Bon, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le prof, qui est probablement un gauchiste fini, quoi, avoué ou suspect, il voit qu'il y a un nègre qui traîne, hein. Il n'est pas foutu, il branle rien, hein, il a un bananier dans la main, et donc il branle rien de ses journées, il se dit, putain, celui-là, il va être recalé, c'est garanti, quoi. Alors comme c'est de l'évaluation à l'année, même s'il y a ensuite des examens, ils se sont dit, allez, je vais le faire avoir un petit peu une bonne note, je vais le caler dans leur groupe, parce que eux, ils sont assez efficaces, ils travaillent bien, et peut-être que ça va créer un effet vertueux. Non mais vraiment, ils sont comme ça, hein, les marxistes. Oui. Ah ouais, ils y croient dur comme fer. Ils pensent que c'est l'environnement, que machin. Non, non, non, non, c'est racial. C'est racial. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'ils se sont tapés ce mec-là. Évidemment, l'autre, il a rien branlé. Il a eu la note. Mais c'est vrai que c'est quand même bien que. Il lui a dit Franco, alors bon, je pense pas qu'il ait traité de nègre, hein, mais il lui a fait comprendre que voilà, que c'était une espèce de grosse feignasse qui en branlait pas une. Enfin, il a quand même l'audace, ce sale nègre, de revendiquer les lauriers aussi pour lui. Je veux dire, les mecs ont quand même pas honte. Hein. C'est vraiment une hein, c'est incroyable. Ouais. Il y a quelque chose qui est marrant, je crois que c'est le deuxième étudiant en sociologie qui nous écrit. Et. En fait, il y a des auteurs, enfin, des sociologues. C'est la maçonnerie, de droite. C'est la maçonnerie démocratique. Oui, non, mais il y a des sociologues de droite qui sont ostracisés, notamment Boudon, Raymond Boudon, qui est quelqu'un de très réputé, hein, qui est peut-être le sociologue français le plus lu à l'étranger, et qui est boycotté des facs françaises gauchistes. Et, alors, je pense que l'auditeur connaît ça par cœur, mais c'est. Pareil pour Pareto. Pareto, qui est un économiste et un sociologue, sont des gens qui ont écrit des choses très très intéressantes. Malheureusement, la sociologie, qui peut être une discipline intéressante, est tellement parasitée par le gauchisme que, effectivement, moi qui ne viens pas des sciences humaines, je dois avouer que j'ai encore un a priori très très négatif sur les étudiants de sociaux. Je les vois un petit peu comme des types qui ont des rats dans les cheveux, qui passent leur temps à fumer de l'herbe dans les gazons des campus. Je les vois quand même comme ça, ce qui est très dommage. Bah, c'est un peu le cas, mais il dit déjà 80% de bonnes femmes. Hein. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, et ça produit quoi ? Là, c'est quelqu'un qui veut s'intéresser au social. Alors, comment dirais-je, la sociologie, ça peut déboucher sur quoi si on s'y met, par exemple, est-ce qu'on peut aller vers la psychologie ou des trucs comme ça, non ? Bah, ça, je sais pas. Moi, je pense surtout que les jeunes qui y vont, c'est pour pouvoir... peut-être parce qu'ils ne savent pas. Soit ils sont très très intéressés par la matière, je pense que c'est le cas de notre auditeur. Mais je pense que c'est surtout pour passer quelques années pépère, faire la fête, se faire 2-3 minettes pour les mecs qui y vont. Pour les nanas, je pense qu'elles vont voir, je pense, beaucoup de féminisme, hein, parce que toutes les théories cuir et compagnie, je pense que c'est enseigné dans les facs de sociologie. Et puis le reste, bah, ça te permet d'avoir, de trouver un petit poste de petit fonctionnaire parce que tu as validé une licence. Et puis tu trouveras un boulot comme ça, administratif, qui te permettra de survivre un petit peu, tout en n'en foutant pas grand-chose. Ouais, je pense, ouais, c'est ça aussi. C'est dramatique parce que s'il y a quelqu'un qui est vraiment intéressé par ce type de matière, il est très vite bloqué, quoi. Par contre, aux États-Unis, il y a un peu plus d'espace quand même. Aux États-Unis, ils ont quand même. Enfin, attention, hein, y a une sociologie d'extrême gauche, etc., qui a. Alors, qui n'a pas innové, parce que, à la base, ça vient de la France. Hein. Foucault et les mecs comme ça, ils ont apporté ça aux États-Unis, mais ça a été. Ouais, c'est des juifs surtout, hein. C'est des juifs allemands. Oui, non, bien sûr. Ouais, bien sûr. Donc, il y a eu une incubation, mais il reste quand même des gens qui sont quand même intéressés aux faits aux États-Unis, parce qu'on peut pas non plus bullshiter tout le monde sur absolument tout. Il y a quand même une culture, on va dire, anglo-saxonne, qui fait qu'il faut quand même essayer d'avoir un petit peu d'éléments entre les mains, et il existe encore quand même de nos jours, même si c'est très malmené aux États-Unis, il existe encore quand même des vrais départements d'études sur toute une série de choses. Enfin, c'est, par exemple, la psychologie évolutive, ça existe aux États-Unis, vous voyez. Au niveau universitaire, ça existe. Vous pouvez être un professeur qui s'intéresse à ces sujets-là, qui fait des recherches sur ces sujets-là. En France, c'est tout simplement impossible. C'est impossible. Oui, tout à fait. Parce que surtout les anglo-saxons, ils ont compris que l'intérêt de ces disciplines, que ce soit la psychologie ou la sociologie, d'ailleurs Raymond Boudon c'est quelqu'un qui est très intéressé à la rationalité, hein, au choix des individus. Les anglo-saxons se servent de ces disciplines pour pouvoir faire du business. Hein. Ouais. Ils y voient un intérêt concret et pratique. Alors qu'en France, ça ne sert qu'à une seule chose, ça remettre en question l'état existant. C'est la seule chose qui les intéresse. Et à voir qui est dominant, qui est dominé. C'est la seule chose qui... c'est leur seul tropisme. Mais pour en revenir à la sociologie américaine, il faut à tout prix s'intéresser à ce qu'on appelle l'école de Francfort. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis le marxisme culturel. Tout ça a été fait à partir de facs de sciences humaines. Et si vous vous intéressez à cette chose, vous allez apprendre que c'est une théorie du complot. Officiellement, le marxisme culturel est une théorie du complot. C'est-à-dire que vous avez tout un tas de philosophes juifs qui ont écrit des dizaines de livres où ils expliquent de manière totalement explicite qu'il faut détruire les structures blanches traditionnelles parce qu'elles sont potentiellement antisémites, mais c'est une théorie du complot. C'est assez fascinant. Oui, Habermas, notamment, Walter Benjamin, Horkheimer, et il y a eu, pourtant, Habermas avait été voir Carl Schmitt en prison. Carl Schmitt, grand juriste, c'est un socialiste. Hein. Mais Boudon, j'aimerais me parler, parce que tu as évoqué Boudon. Alors Boudon, il faut savoir que ça vient, il est sociologue, mais en économie, déjà, il était plutôt libéral. Il pensait que le système, le meilleur, c'était quand les entreprises étaient moins taxées. Déjà, il a dit ça. Il faisait aussi une critique des énarques, quoi. En gros, la hyperclasse arrogante, puisqu'il avait dit pourquoi est-ce que les élites françaises, prétendues-elles, détestent le libéralisme, donc la libre entreprise et compagnie. Eh bien, parce que ces gens-là savent que s'ils devaient être employés par une entreprise, ils auraient des salaires bien inférieurs à ceux qui touchent dans la fonction publique. Il avait dit ça, donc vous voyez qu'en fait, c'est quelqu'un de vraiment politiquement incorrect. Sur d'autres sujets aussi, il a critiqué l'égalitarisme, il avait dit que toutes les politiques visant à soi-disant à améliorer les choses en matière d'égalité, d'inégalité, tout ça, c'était en général, ça aboutissait au contraire, ça aboutissait à creuser les inégalités. Donc en fait, c'était l'ennemi de Bourdieu, qui lui, par contre, est le dieu de la sociologie française et qui enfonce des portes ouvertes, puisque c'est quelqu'un qui valide l'idée que les femmes ont toujours été victimes des hommes. Ça, il l'a écrit dans La domination masculine. En matière, économique, qui justifie aussi le racket fiscal, quasiment, sous prétexte de lutte contre le capitalisme et ses excès et compagnie. Donc, il n'y a pas de neutralité en ces matières-là. C'est-à-dire, si vous êtes un sociologue intelligent et que vous avez lu Boudon, vous êtes français, vous n'avez aucun avenir dans l'université française. Il faut absolument partir, hein, c'est tout. C'est un peu des écoles de théologie, en fait. Hein. On faisait de l'analogie. C'est des écoles de théologie, en fait. Hein. C'est ce qu'on avait sous l'Ancien Régime, en fait. Vous apprenez à réciter voilà. C'est de la scolastique. C'est ça. C'est de l'écriture de commentaires sur du commentaire, de commentaires, de commentaires. C'est du Talmud, hein. Oui. Alors bon, ça n'a pas débouché, mais ça vise en fait à asseoir l'idéologie dominante, de la classe dominante, parce qu'il y a quand même un rapport de force là-dedans, hein. Je veux dire. Qui est intéressé à la promotion agressive de l'homosexualité, si ce ne sont les groupes pratiquant l'homosexualité qui sont très souvent des gens de la partie supérieure, enfin moyenne supérieure de la population. Hein, le showbiz c'est rempli de PD, etc. Bon, ils défendent aussi leur cul, entre guillemets. C'est pas du tout le prolétaire. C'est pas vrai. Hein. Donc, la criminalisation de l'hétérosexualité, par exemple, hein, je veux dire, dans ces écoles-là, avec tout un discours, un baratin, soi-disant pour aider les plus faibles, les minorités, en réalité, c'est ça la vraie oppression. C'est la véritable oppression. C'est la nouvelle oppression, quoi. C'est l'oppression. J'ai bien aimé la formule d'Assange. Il parlait de l'impérialisme de San Francisco. Et c'est bien trouvé, c'est vraiment, ouais, c'est ça. Et en fait, bon, Assange a bien fait comprendre qu'il y a deux composantes dans l'impérialisme de San Francisco. C'est la composante PD et la composante juive. Donc, par exemple, sur le cas d'Assange, faut pas s'étonner de savoir pourquoi le type, il est resté 7 ans dans une ambassade, maintenant il est traîné dans une prison britannique, et puis ensuite ils vont essayer de le faire extrader, etc. Bah voilà, il a révélé des choses sur le fonctionnement des sociétés, enfin, des États occidentaux, des élites occidentales, de l'oligarchie, Et vraiment, hein, dans la dernière année, là, 2018, 2017-2018, à partir de l'élection de Trump, il a essayé de miser sur Trump en disant que de toute façon, c'était son dernier espoir. Parce que finalement, c'était le seul événement qui pouvait être un peu un catalyseur, suffisamment déstabilisant pour le système, pour éventuellement lui permettre de pouvoir manœuvrer. Ça n'a pas été le cas, parce que de toute façon, enfin, Trump est pied et poing lié. Mais donc, il a quand même déballé des trucs. Et il a non seulement révélé des secrets sur le fonctionnement diplomatique du système, militaire, l'appareil de renseignement, comment tous les gouvernements et ceux qui le contrôlent observent les populations, voilà. Mais surtout, qui est derrière? Et il a fait comprendre que, voilà, il y a ces gens-là. Donc le fameux impérialisme de San Francisco. L'impérialisme judéo-anal, quoi. Et c'est celui qu'on voit se déployer au quotidien. Hein, je crois que là, Macron... Hollande était, en comparaison, à part sur le mariage homosexuel, ou lesbien, ou ce qu'on appelle comme ça, dit le mariage pour tous. Hein. En dehors de ça, il était quand même relativement en retrait par comparaison. Macron, c'est quand même quelqu'un qui a fait monter d'un cran toute cette propagande. Bon, cette propagande, elle a besoin de chevilles ouvrières qui sont recrutées, bah, précisément... Dans ses facultés, voilà, on va ensuite leur donner des missions, parce que tous ces gens ne servent à rien, il faut comprendre, toutes ces greluches qui sont dans les cours de sociologie ne servent à rien. Elles servent à rien, et donc c'est là-dedans qu'on va recruter par copinage, par réseau, par piston, hein, des filles de la bourgeoisie aussi, on va les caler dans des missions, pour des départements, dans des élus politiques, en fait, qui vont faire marcher... leurs petits réseaux qui vont faire casquer le contribuable pour alimenter ça, et voilà. Et de fil en aiguille, on crée comme ça un discours dominant, on bétonne une caste dominante, on criminalise le peuple, hein, s'il veut essayer de contester, non, c'est des idées interdites, c'est des idées dangereuses, c'est des idées oppressives, voilà, alors que l'oppression, elle n'est pas du côté du peuple, elle est vraiment du côté de ceux qui sont tout en haut, quoi. Voilà. Donc c'est... Ah, ça c'est assez fascinant, cette capacité qu'a la bourgeoisie à, parce que la bourgeoisie a toujours voulu placer ses rejetons, c'est sa préoccupation essentielle, ouais. Et notamment ses filles. Alors très souvent c'était par le mariage. Et là en fait la nouvelle stratégie de la bourgeoisie, c'est de caser ses rejetons dans des postes un peu parasitaires, hein, totalement parasitaires. Mais la nouveauté, c'est que ce sont des postes parasitaires qui ont pour fonction de critiquer la bourgeoisie. Donc, donc vous vous doutez bien qu'elle ne critique pas en soi la bourgeoisie, mais elle se trompe de cible quelque part. Mais c'est un parallèle qui est intéressant, je trouve. Quelqu'un d'autre? Non. Bon, on fait une pause musicale et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. C'est parti. nous revoici pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative. Épisode numéro... comment dirais-je, saison numéro 4, épisode numéro 18, et nous allons parler d'autisme radical pour notre rubrique numéro 2. Alors, brièvement, hein, Malena Emma, la maman de Greta Thunberg, a récemment sorti un livre, Scène de cœur, notre vie pour le climat. Elle y parle des étranges dons de sa fille et du combat de toute la famille pour le climat, un combat entamé pour sauver Greta. Greta Thunberg est atteinte du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme qui donne des êtres surdoués et dotés de capacités hors du commun. Dans son livre, Malena Eman explique notamment que sa fille dispose d'une mémoire photographique, connaît toutes les capitales du monde par cœur et peut énumérer les éléments chimiques du tableau de Mendeleïev en moins d'une minute. Elle ajoute qu'elle est capable de voir le CO2 à l'œil nu. Elle l'observe s'échapper des cheminées et se transformer en dépotoir dans l'atmosphère, dit-elle. Tout aurait commencé par un film montré à l'école sur la pollution des mers, un film qui a bouleversé la gamine qui n'avait alors que 11 ans. Elle s'est mise à pleurer et n'a plus voulu parler à qui que ce soit d'autre que ses parents proches. C'est aussi à ce moment-là qu'elle arrête de manger de la viande. Et pas grand-chose d'autre, à vrai dire. Nous devions compter les gnocchis dans son assiette pour être certain qu'elle s'alimentait suffisamment. Mais elle mettait une heure pour manger le tiers d'une banane, raconte sa mère. Alors donc ça c'est sur sudinfo.be, un site d'information belge. Alors Greta Thunberg, on ne la présente plus, on en a parlé dans l'émission, elle a été proposée pour le prix Nobel. Hein, voilà. Elle veut sauver le climat, elle vient de Suède, elle a lancé la soi-disant grève du climat, donc grève des écoliers, hein, qui tous les vendredis sèchent les cours pour protester contre le réchauffement climatique, paraît-il. Et donc, elle a des dons surnaturels, puisque donc elle voit le CO2, les CO2 à l'œil nu. Là, c'est pas mal, ouais. On change de domaine, là. Je croyais que c'était scientifique, mais en fait, non, hein, c'est religieux. C'est une prophétesse. Une prophétesse des temps modernes. Elle est voyante à deux titres, en fait. Elle voit dans le futur, et puis elle voit le CO2, quoi. Alors, j'attends les dons de thaumaturgie. Je suis patient. Bon, cette histoire de climat, ça vire au millénarisme. Hein. Mais un rappel pour la thaumaturgie, enfin, l'art de guérir les plaies par le toucher. Bah voilà, tu l'as même dit. Même par, ouais. Par la... Carrément par par Incredible Meeting of Minds par télépathie. Oui. C'est ça. C'est oui, non, c'est bon, non, et honnêtement, putain, c'est du goy, ça, t'en es bien certain? Ah oui, c'est du suédois, mais on en avait parlé. Il y avait un article sur le site écologiste, enfin écolo-marxiste reporter. Donc reporter, c'est un jeu de mots entre reporter, un reporter, et reporter, la Terre. Hein. Reporter, eux, voilà. Et où même eux, ils avaient trouvé le truc un peu suspect. Ils avaient creusé, puis ils avaient découvert en fait que... les parents sont du vieux du showbiz, on en avait parlé. La mère, je crois que c'est une actrice. Ils étaient liés en fait à des oligarques suédois, des grandes familles de la finance suédoise qui voulaient en fait créer un grand réseau social... dit écologiste, voilà, et ensuite capitaliser à fond là-dessus, etc. Il y a vraiment une grosse magouille, et c'est tout l'objectif, quoi, et la gamine là-dedans, c'est leur gamine, voilà, elle est totalement sous la coupe de ses parents, d'activistes, proches de ces groupes-là, de ces groupes financiers, donc c'est, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'ils sortent sa biographie. Bah, imaginez, elle a 16 ans, ils vont faire une biographie. Putain, ils sortent la bio de la gamine. Oh, ouais. La vache. Oh bah, il y a des choses à dire, hein. Et c'est pour ça qu'ils en parlent, c'est pour ça qu'en lisant la bio, vous découvrez, dont la mère fait la promo en ce moment, un peu partout dans le monde, surtout en Europe, c'est là qu'elle raconte que sa fille voit le CO2 à l'œil nu. Putain, mais non mais... Hervé Rissen a l'habitude de dire que le gauchisme est une maladie mentale, mais là je crois que c'est bien illustré. Donc, amis démocrates participatifs, restez bien à droite, hein, parce que sinon... Si vous avez des gamins, ils vont finir par avoir des trucs bizarres, genre avoir du CO2 dans la vraie vie. Oui, oui. Bonjour. Moi, ça m'étonne pas trop, hein. Je veux dire, dans une société où on dit que Adolf Hitler a gazé 6 millions de juifs pour les transformer en savon et en abat-jour. Oui, il y en a qui voient du savon voilà, c'est explosif, bon. Inflammable, enfin, c'est bref, ça. Circonstances étranges. Voilà, donc bon, à partir du moment où bon, ils ont jamais montré une chambre à gaz qui fonctionne, ils s'en sont incapables, pour des raisons sur lesquelles on peut revenir, bon voilà, mais tout le monde est certain de l'avoir vu, bon. Personne ne l'a vu, mais tout le monde est certain de l'avoir vu. Bon, bah, si on part sur des bases comme ça, hein, des bases irrationnelles de ce genre-là, bah oui, on va se terminer, oui, l'apocalypse après demain, et le CO2 à l'œil nu. Bon, il n'y a rien qui m'étonne. Hein. Il n'y a rien qui m'étonne. Ouais, ça fait penser à un petit peu à Saint John d'Arc, en fait. Non, je déconne, évidemment. C'était mieux du temps de Jeanne d'Arc, quand même. Ouais, au moins, oui, il y avait des vraies visions. Mais il était d'un côté quand même très, très irrationnel, avec ces gens sont persuadés que des prophètes vont arriver pour prêcher la bonne parole. Enfin, ces bouffeurs de curés, écolos, sont quand même des religieux, hein, dans leur fonctionnement de pensée. Bah, on a parlé des universités qui font dans la scolastique. Maintenant, on a les saints qui ont des visions. On a la fin du monde, là, bientôt, hein, c'est annoncé. Ouais, il y a un truc qui est marrant aussi, elle est Asperger. Alors, on entend de plus en plus parler des autistes Asperger, mais c'est très récent, hein, je pense que ça a 2-3 ans. Alors, je crois qu'en fait, ils sont très très rares. Que c'est un syndrome, c'est très majoritairement masculin. En fait, c'est Reinman, hein, quelqu'un qui est capable de compter les chiffres ou qui a une forme de mémoire extraordinaire. Mais à chaque fois qu'on nous présente une Asperger, c'est une femme. Enfin, c'est une jeune fille. Alors que je crois qu'elle doit représenter elle doit représenter un quart des Asperger. Et à chaque fois, c'est des écolos, hein. Moi, j'attends avec impatience le jour où on trouve un Asperger qui arrive à compter exactement le nombre de juifs morts du typhus dans les camps. Là, je serais extraordinaire. Non, une sorte mais de Rain Man révisionniste. C'est dingue le niveau de scénarisation et le storytelling, la narration, l'histoire montée de toutes pièces. Je veux dire, pourquoi ils prennent une gamine handicapée? Parce que c'est inattaquable. Du point de vue du mec lambda, du machin. Vous essayez de la débunker, la fille, mais tu te rends pas compte. C'est un génie. C'est-à-dire qu'elle est handicapée, mais c'est un génie. Tu peux rien dire parce que sinon t'es une espèce de nazi qui veut, comme Mengele, la gazer, hein, après des expériences. Enfin, je veux dire, voilà, on met les gens dans cet univers mental-là, ils sont piégés. Hein. Ils sont comme des lapins pris dans les feux d'une automobile et ils doivent avaler la décoction. Le poison juif. Voilà, voilà. Parce qu'à la fin du truc, si on vous explique, le climat, le truc, à la fin, c'est pour vous faire payer plus de taxes. Faut quand même que les gens le sachent. Voilà, c'est la finalité. D'accord. C'est parce que faire la grève contre le climat, enfin, je sais pas, j'ai jamais entendu. Enfin, c'est quand même délirant, quoi. Faire la grève contre le climat. Non, mais je veux dire, ouais. Non, mais les gens se posent même pas la danse de la pluie, en fait, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. On recule, on est dans. C'est la pensée magique. C'est la pensée magique, voilà. On va marcher du point A au point B, la température va baisser. C'est extraordinaire. Voilà. Extraordinaire. Ils ont même planté des arbres. Alors vous allez me dire, planter des arbres c'est bien, mais parce qu'ils bouffent du CO2. Donc en fait c'est le seul truc valable qu'il faudrait faire. En fait c'est bête. Mais je veux dire, ils plantent des arbres. Je veux dire symboliquement. Alors vous avez aussi les arbres antiracistes. On en avait parlé dans une émission précédente. Ça c'est la LICRA, le CRIF. C'est suite pour Halimi. Le vendeur portable qui avait été assassiné par, Fofana et sa bande, le gang des barbares. Et alors maintenant, depuis cette année, on plante des arbres en France contre le racisme. Donc vous avez oublié les pavés de la mémoire. Les pavés de la mémoire, tiens, ça je connais pas ça. Les pavés de la mémoire, mais on marche dessus, non? C'est pas un peu antisémite? Ah, ça a eu lieu il y a quelques années, ça, on en parle encore bien. Il s'agissait, dans certaines rues, de placer une espèce de, comment dirais-je, un capuchon laiton, sur lequel était gravé le nom de la où des juifs qui avaient été déportés, qui avaient habité devant, dans une maison, là où on plaçait ce pavé en laiton, je vais dire, et qu'on faisait volontairement déborder du trottoir ou de la rue pour que les gens butent dessus et regardent et s'aperçoivent qu'il y a quelque chose d'écrit. Vous n'avez pas connu ça en France? Ah non. Ah, mais ça, en Belgique et dans d'autres pays, il y a pas, dans toute l'Europe, normalement, dans toute l'Union Européenne. Les pavés de la mémoire. Donc, en fait, ils essayent de faire en sorte que les gens se cassent la gueule dans la rue pour qu'ils se rappellent des juifs qui sont gazés, c'est ça? Qui ont habité là avant d'être déportés. Bah, ils en garderont un mauvais souvenir de ces juifs, hein, du coup. Hein. Tu te rappelles de Shlomo? Ah ouais, putain, je me suis cassé la gueule à cause de cet enculé, là. Tu vois. Je connaissais pas du tout ce principe. Ah putain, Ah ouais, y a rien à faire, hein. La Belgique, vous avez quand même un... Ouais, c'était européen, hein. Donc, à mon avis, on a eu en France aussi. Bah nous, on fait des armes, maintenant. Voilà. C'est bien. Ouais, puis on danse autour. On convoque les gosses des écoles et allez, une ronde autour voilà l'arbre à juifs et ça va faire baisser l'antisémitisme d'une façon ou d'une autre. Vous avez vu cette dame qui est députée, je crois, en Floride, qui est une noire, et qui a dit je bénis l'esclavage. Vous avez vu ça? Ah non. Ah, parce que ça a porté le christianisme, c'est ça? Non, parce que elle bénit l'esclavage parce que, dit-elle, s'il n'y avait pas eu l'esclavage, mes ancêtres n'auraient pas été amenés de force ici aux États-Unis, et aujourd'hui, je serais occupé à adorer un je ne sais quel arbre en Afrique. C'est pour ça que je l'appelais. Factuellement, ça se tient, hein, j'ai envie de dire. À ce moment-là, il faut qu'elle remercie les Juifs, parce que c'est quand même un peu les Juifs qui ont joué un rôle crucial dans le commerce, dans le commerce triangulaire, hein, dans la traite des nègres. Hein, c'est... Ah oui, mais justement, elle ne remercie pas les Blancs, elle remercie l'esclavage. Oui, il faudrait qu'elle creuse un peu. Je l'invite à lire un ouvrage publié par Farrakhan, il y a en deux volumes. Sur la question, comment dirais-je, du rôle des juifs dans l'esclavage, c'est particulièrement éclairant. Savez-vous d'ailleurs, Monsanto, vous connaissez, puisque ça fait le lien. Oh, c'est extraordinaire. Vous connaissez, ça fait le lien entre le climat, l'écologie et la traite des nègres. Est-ce que vous connaissez Monsanto, l'entreprise Monsanto, fondateur Abraham Monsanto. Voilà, qui était un trafiquant d'esclaves. Maintenant, ils sont dans le commerce de grains. Bon, ça, c'est aussi une vieille activité d'agioteurs juifs. Mais il faut savoir que Monsanto, oui, c'est le nom d'une vieille famille juive établie dans le sud des États-Unis qui trafiquait des esclaves africains. Ah, d'accord. Donc, ils sont reconvertis dans le coton. L'extermination des champs de coton. Alors, c'est marrant d'ailleurs parce qu'ils font. Je crois qu'ils sont très implantés dans le coton qui est fabriqué en Inde et au Bangladesh. Et je sais qu'il y a des. Vu qu'ils vendent des dérivés de Roundup, il y a un nombre de malformations dans ces pays qui est juste hallucinant. C'est genre plusieurs centaines de milliers de personnes, avec des cas de suicide, parce que ces gens se sont mis également dans les semences. Mmh. Semences qui sont stériles, donc qui ne peuvent pas être replantées. Et ils amènent la dette en fait. Tu passes de la semence à la dette. C'est assez intéressant. C'est oui, ça c'est l'alchimie juive. C'est l'alchimie juive. Il y a une constance chez les populations quand même. Ah c'est curieux. Hein. Ah ouais, c'est marrant. Ils bossent, mais ils s'endettent. C'est curieux. Hein, c'est très curieux. C'est très curieux. Alors les amis, je vous propose de passer au thème de la semaine. C'est un thème qui s'intitule le karma. Le karma, ça fait la jonction avec l'Inde, on parlait de l'Inde, des juifs aussi un peu. Oui, le karma, cette puissance mystérieuse qui meut les forces invisibles qui nous animent tous. Je vais commencer avec une première histoire. Ça se passe à Pontarlier, hein, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui connaissent, je sais pas. C'est un meurtre. et je vous livre ce récit de l'Est républicain. Alors, le meurtre de Jeannine Dessay a marqué les esprits dans la capitale du Haut-Doubs. 15 jours après cet effroyable crime, les interrogations sont encore nombreuses pour tenter de comprendre pourquoi Béchir Tabarki, 42 ans, a poignardé cette femme à 19 reprises. Le 15 avril dernier, la sexagénaire se rend aux toilettes du géant Casino de Pontarlier aux alentours de 11h30. Elle n'en ressortira jamais vivante. Son agresseur attend patiemment depuis une demi-heure de l'autre côté de la porte. Elle entre. 3 minutes s'écoulent. 3 minutes durant lesquelles l'homme agresse et poignarde Jeannine Dessay. Que s'est-il passé durant ces quelques instants? Seul le tueur présumé, resté muet jusqu'à présent, détient la réponse. Mais la piste du mobile sexuel est aujourd'hui envisagée par les enquêteurs, ce que confirme le parquet de Besançon. Au lendemain de ce terrible drame, le procureur de la République, Christian Mollet, a parlé d'un crime de hasard. À ce stade de l'enquête, tout pousse à croire que ces deux personnes ne se connaissaient pas. Ce 15 avril, Béchir Tabarki venait tout juste de sortir de prison depuis une semaine, après avoir purgé une peine de 5 ans en Suisse pour vol à main armée. Mais, au matin de l'homicide, maintenant on dit féminicide d'ailleurs, faut savoir ça, l'expertise de son ordinateur a démontré que l'homme avait fréquenté de nombreux sites à caractère pornographique. Avait-il dans l'idée de trouver une proie? Un argument étaye cette hypothèse. L'homme a choisi de se poster dans les toilettes des femmes et d'attendre. La première personne qui s'est présentée à lui n'était autre que Jeannine Dessay. A-t-elle choisi de s'opposer à lui, à ses avances? La justice ne détient pas encore la réponse. Quand le SAMU a pris en charge la victime, elle était entièrement habillée. L'autopsie a démontré qu'elle n'a subi aucune atteinte sexuelle. Aucun de ses effets personnels n'a par ailleurs été dérobé. Lors de sa garde à vue, Béchir Tabarki est resté quasi silencieux, répondant à des questions futiles et muet sur les éléments de fond. L'individu, né à Aix-en-Provence le 31 mai 1977, n'est pas connu pour des agressions de type sexuel, mais a été condamné à plusieurs reprises pour des vols avec violence. Il est mis en examen pour assassinat et incarcéré à la maison d'arrêt de Mulhouse. Il sera prochainement entendu par le juge d'instruction en charge de l'affaire. Mais Chloé Beauce et Sandrine Arnaud sont chargées d'assurer sa défense. Oui, les maîtres, les avocates. Alors, un crime sanglant, particulièrement brutal, 19 coups de couteau, donc dans les chiottes du géant de Pontarlier. Et c'est là que Jeannine est morte. Morte dans une flaque de sang, le corps étant probablement très abîmé par la sauvagerie de l'acte commis par Béchir. Béchir qui nous vient du Maghreb mais qui est né en France, hein, c'est un Français. Alors, je veux quand même ajouter quelques petits points de détail, parce que je sais que certains nous écoutent et ont de la commisération, bien sûr, pour Jeannine, quoi, hein, qui est une femme d'à peu près de 70 ans environ, bon, hein, quelqu'un, voilà, qui était là, une Française, hein, somme toute, et qui va aux toilettes, au géant, et qui n'en ressortira jamais. Alors, je vous donne plus d'informations, toujours l'Est du Républicain, qui a parlé de l'hommage qui a été rendu à Jeannine. C'est peut-être un état de fait contre lequel elle s'est toujours battue, mais vendredi soir, ceux qui en doutaient ont pu se rendre à l'évidence. Jeannine Dessay était, est et sera à jamais universelle. Unique, formidable, et tellement regretté depuis ce geste sauvage d'un individu qui lui a ôté la vie de 19 coups de couteau dans les toilettes d'un supermarché de Pontarlier, lundi dernier. Hier soir, ils étaient plus de 500, amis, proches, anciens collègues. Parfois tous la réunis, mais aussi beaucoup d'anonymes, tous émus, les larmes aux yeux, à venir rendre un dernier vibrant hommage à, ne riez pas, un ninja. En verlan, quoi, ninja, comme la surnommaient affectueusement les mômes de la maison du quartier des Pareuses. Ninja. Jeannine Notre-Dame de Pontarlier, comme l'a qualifiée Françoise Bourlio, la directrice du CCAS, la directrice du CCAS va manquer à tous, énormément. Jeannine, c'était notre seconde mère, c'est elle qui nous a appris le respect des gens, des animaux, de tout, résume Khalid de la maison de quartier des Pareuses. si on n'avait pas croisé sa route, certains d'entre nous auraient sans doute dévié. Voilà. Béatifier cette brave dame. Alors Janine, en fait, a fait carrière dans le torchage de cul de nègre et de bicot à Pontarlier, notamment, où elle s'était fait une solide réputation. Hélas, la gratitude n'était pas au rendez-vous. Et après s'être démenée pour tous ces Arabes du quartier des Pareuses, eh bien, elle s'est fait saigner dans les chiottes du géant de Pontarlier de 19 coups de couteau. Par Béchir, quoi. Qui veut... Putain, c'est extraordinaire. Enfin, tu passes ta vie à combattre les préjugés, à aider toute la négraille qui débarque du tiers-monde. Tu vas aux chiottes et là, tu tombes par le plus total hasard sur un nègre qui te surine. Et non, c'est pas un nègre, hein, c'est un musulman, mais un maghrébin. Oui, c'est un nègre des sables pour moi. Voilà, J'aurais dû dire nègre des sables. Je trouve ça extraordinaire. Mais Dieu a beaucoup d'humour. Il a dit que le procureur de la République, là, un crime de hasard. Ouais. Moi, je vois une certaine logique, hein, quelque part. Hein. Elle a voulu connaître des maghrébins. Elle a connu des maghrébins, voilà. Donc, le maghrébin. Bon, le maghrébin, en plus, c'est un problème avec sa bite. Hein, donc, voilà. Elle a connu le maghrébin. Elle avait quel âge ? 70. Ouais, pour un maghrébin, c'est... Non, mais il n'y a pas eu de viol ou d'attouchement ou quoi que ce soit. Ça a été 3 minutes, voilà, ça a été... 19 coups de couteau, ça fait beaucoup. Vous me direz, quand on aime, on compte pas. Bon, c'est... Voilà, c'est... Alors... Ici, maintenant, c'est ça. Hein. Oui. Karma. Car vous savez que maintenant, nous sommes bouddhistes, tous, collectivement. C'est notre religion, maintenant. Hein, avec la croix gammée, tout ça, ça se passe. Alors, ça, c'est une belle histoire, voilà, bon, sur la thématique du karma. Pays de la Loire. Je vous propose d'aller dans les Pays de la Loire. C'est Estelle. On va découvrir l'histoire d'Estelle. Alors, je vous livre... Là aussi, c'est tout à fait intéressant. Alors oui, je vous livre l'histoire. Estelle Veneux était encore vivante lorsqu'elle a été jetée dans la Loire. La jeune femme de 34 ans, domiciliée à Bouchemaine, avait disparu depuis le 22 février 2018. Le 24 février, son ex-compagnon avouait l'avoir tuée lors d'une dispute avant de jeter son corps dans la Loire au niveau du pont de Béhuard. Son corps avait été repêché en Loire à hauteur d'Annet, en Loire-Atlantique, donc en Bretagne, à côté de Nantes, le 8 avril 2018. Un rapport d'un service spécialisé de recherche criminelle de la gendarmerie est venu cette semaine alourdir un peu plus l'affaire. L'affaire Bader Smati, ex-compagnon de la victime. Voilà, accessoirement arabe. Malgré le long séjour dans l'eau du corps d'Estelle Veneux, les experts ont déterminé que la jeune femme n'était pas décédée d'asphyxie, mais de noyade, ce qui signifie qu'elle n'était pas morte au moment où son compagnon l'a jetée dans la Loire. Les premiers experts avaient au contraire posé que le décès était consécutif à une strangulation. La nouvelle expertise ne dit pas quel était son niveau de conscience lorsqu'elle a été précipitée dans l'eau. Je dirais le niveau de conscience d'une pute à bougnoule comme ça, mais enfin ça c'est au doigt levé. Hein. Je sais pas. Voilà. Alors, bon là on est dans la campagne, hein. Vous avez compris, Bouchemaine, voilà, près de la Loire. Voilà, c'est. Mais on a des putes à bicot solidement en couple avec Bader Smati, qui était un peu vénère et qui l'a savaté avant de la balancer dans la Loire. Qu'est-ce que. Le problème, c'est l'homme lent. Je suis d'accord avec ça aussi. Les trottoirs aussi, un peu, peut-être. Ah ouais, peut-être un problème de trottoir ou de mur. Bah, trop... le problème a été résolu. Ne rigolez pas, c'est vrai. Ils vont élargir les trottoirs en question. Ouais. Comme ça, ils vont pouvoir foutre plus de nègres dessus. Putain. La logique socialiste, c'est phénoménal. Mais du coup, est-ce que c'est peut-être un peu la nouvelle formule des noyades de Nantes, en fait, là, et qui nous refont. Ah là. Oui, bien vu. Ah oui, hein, il y a de ça. Hein. On balance les bicots balancent les putes à bicots dans la Loire. Il y a peut-être une continuité. Hein. Mais à part ça, mesdames, n'ayez pas peur, allez vous mettre à la colle avec des nègres, avec des bougnoules. Ah oui. Tout va très bien se passer, ce sont des êtres totalement charmants, aimants, et ils sont réputés pour ça. Alors, notez bien que le type a quand même réussi à la tuer, enfin, à la boxer, vraiment, voilà, puis il s'est dit, oh merde, qu'est-ce que je vais faire? Ah, je vais la foutre à la flotte. Puis en fait, elle était encore en train d'agoniser, faire des bruits, etc., et puis il a balancé quand même le colis dans l'eau, quoi, il s'en fout, quoi. Tranquille. Non, non, mais enfin, voilà, c'est... Quand vous demandez aux femmes, alors vous aimez, ah, j'aime bien les mecs typés du sud, ah ouais, ok. Sortez un peu des histoires comme ouais, ça. Ouais, ouais, c'est sûr. Ou alors, ah, mais les enfants métis, ils sont trop beaux, oh. Ah, tu parles avec mes fesses, ouais. Exotique. Ah, ouais. Oui, c'est ça, c'est, oui, mais voilà, il y a du charme, les beaux brins ténébreux. Ah, ils sont ah oui, là, niveau ténèbres, ouais, ouais. Bon, voilà, une relation amoureuse aquatique qui s'est bien terminée. Donc voilà, c'est tout ça, ça se passe, vous voyez, en très peu de temps. Hein. Alors, ça, c'est voilà, j'aurais pu en trouver plus. Il y a, mais voilà. Alors, bah, c'est de la sélection naturelle. Hein. Oui. Je veux dire quand tu te mets à la colle avec un mâle qui est potentiellement dangereux ou qui n'est pas capable d'assumer, tu risques la vie. Tu risques la vie. Donc bon, c'est. Alors c'est vrai que certains ici nous peuvent nous reprocher de nous réjouir de la mort de ces pauvres filles. Moi, pas plus que ça, mais ça s'appelle la justice immanente, et quand tu fais des choix dans la vie, hein, surtout des choix qui relèvent du sexuel, bah, il faut en payer les implications, hein, voilà, c'est tout. Bah, c'est-à-dire que la nature s'autorégule, hein, je veux dire, donc c'est une très mauvaise idée de défier de la nature. Hein, bon, après... Ouais, ouais. Moi, il y a un truc qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'en ce moment, je vois beaucoup... alors c'est le printemps, donc forcément, c'est un peu la saison pour. Je vois beaucoup de très jeunes filles à la colle avec des nègres. Des adolescentes, quoi, tu vois, qu'on, je sais pas, moi, 14-16 ans. Ah, c'est bien. J'en vois plein les parcs. Bon, elles sont totalement victimes de la propagande. En plus de ça, t'as un autre problème qui est celui du déficit hormonal. Hein, puisque c'est un fait, les nègres... Étant des individus moins complets, ils arrivent à la complétude plus tôt que les Asiatiques ou les Européens. Mmh. Donc en fait, quand vous foutez en fait un Mamadou qui est en, je sais pas moi, en cinquième, donc je sais pas, 12, 13, 14 ans, c'est quasiment un homme. Alors que un Européen va mettre plus de temps à se développer. Donc forcément, vu que les femmes sont réglées beaucoup plus tôt, sont hormonelles, enfin, sont matures physiquement beaucoup plus tôt, tu as un problème de déséquilibre. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas, mais qui a énormément d'impact. Hein. C'est surtout que maintenant, tu vois, je pense que tu as des nègres qui ont dû redoubler je ne sais combien de fois, qui ont 14-15 ans, mais qui sont encore en 6e, qui ont des hormones qui pètent le plafond. Putain, ils voient arriver les petites nanas qui commencent à avoir leurs règles et qui commencent à s'intéresser aux garçons. Bah putain, mais ils doivent en profiter comme des porcs, tu vois. C'est assez déloyal, d'ailleurs. C'est pour ça que la mixité est vraiment une chic idée dans une société multiraciale, j'arrête pas de le dire. Merci à Daniel Cohn-Bendit pour son engagement militant dans les années 60. C'est très, très, très... Une chic idée juive. Pardon ? Tu as dit une chic idée, moi je corrige, une chic idée juive. Oui, c'est ça, oui, oui, tout à fait, oui, oui, une chic idée juive, tout à fait. Alors, messieurs, je m'en voudrais de ne pas donner plus de contraste à cette discussion sur le karma. Alors, ça se passe cette fois-ci en Alsace. Donc, vous voyez, je vous fais voyager. Dites-moi merci. Dans son dernier SMS, alors je vous livre l'article, moi. France 3. Non, l'Alsace, le journal L'Alsace. Il y a deux articles. Premier article, l'Alsace. Dans son dernier SMS, elle, donc Sandra, disait que tout allait bien. Véronique Canivet avait prévu de déjeuner avec Sandra Baumann la semaine prochaine. Avant de devenir son amie, elle avait été sa professeure principale au lycée Sainte-Clotilde de Strasbourg. L'enseignante se souvient d'une jeune fille pétillante, avec du tempérament. Elle avait des qualités humaines qu'elle dissimulait volontiers derrière une carapace. Sandra Bauman avait une enfance difficile. Placée dans une famille d'accueil à Dingsheim, à une dizaine de kilomètres au nord de Strasbourg, elle y avait trouvé un équilibre. Elle les considérait comme sa vraie famille et ils la considéraient comme leur fille. Avant sa majorité, elle avait dû rejoindre un foyer d'accueil. Elle avait une rage de vivre et de réussir. Elle voulait s'en sortir, témoigne Véronique Canivet. Elle était la seule de sa famille biologique à avoir passé son bac et à avoir fait des études supérieures. Après un bac sanitaire et social, puis un bac pro-service de proximité et vie locale, l'étudiante avait enchaîné sur un BTS service et prestations de secteur sanitaire et social. C'était une battante, toujours à fond dans ce qu'elle entreprenait. Se souvient Adeline Strohmeyer, l'une de ses camarades de Sainte-Clotilde. Elle aimait la musique, profiter de la vie, sortir, s'amuser, aller au cinéma, énumère l'ancienne lycéenne. C'était une grande sportive, elle pratiquait le basket au sein d'une équipe et avait aussi joué au football. Sandra Bauman travaillait à la caisse d'allocation familiale, à la CAF. Elle venait de réussir. Et il n'y a que des gens brillants qui travaillent à la CAF. Bien sûr, voilà. C'est l'élite de cette société. Tout à fait. Non, elle était sportive, elle faisait du basket. Attention. Ah bah là, déjà, il y a des indices là, déjà, dans ce que vous dites là. Alors, elle venait de réussir un concours qui devait lui permettre d'obtenir un poste à un échelon supérieur. En couple depuis au moins 5 ans avec Dixon Tugi Frimpong. Comment? Dixon Tugi Frimpong, qui est de nationalité ghanéenne. Voilà, ça faisait 5 ans qu'elle se fait bourriquer par un Ghanéen. Alors, la jeune femme avait emménagé avec son compagnon dans un immeuble de l'avenue du Rhin. Ça rappelle la prophétie. Je parlais de Mein Kampf au début, ça rappelle la prophétie d'Adolf Hitler dans Mein Kampf sur la France et le prolongement au bout de 3 siècles du Congo sur les bords du Rhin. Si la France continuait à dégénérer au rythme où elle le faisait dans les années 20, la prophétie s'accomplit. C'est dans la baignoire de son logement que son corps a été retrouvé. Soupçonné d'être à l'origine de la mort de sa compagne, le jeune homme de 24 ans a nié toute implication face aux enquêteurs. Déféré samedi devant un juge d'instruction qui a ouvert une information judiciaire pour meurtre, il a gardé le silence. Il a été placé en détention provisoire. « C'est incompréhensible », répète Véronique Canivet, le décrivant comme un garçon doux et gentil. Originaire du Ghana, il avait vécu des choses assez terribles dans son parcours, avant d'arriver en France il y a une dizaine d'années. Jamais Véronique Canivet n'avait senti Sandra en danger à ses côtés. Dans le couple, c'est elle qui avait le plus fort caractère. La date des obsèques, blablabla. Alors, ça c'est pour poser un petit peu les choses, voilà. Alors, il y a en fait une explication. Et c'est au mois d'avril, là, récemment, que les choses ont été clarifiées par une association que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Oser le Féminisme. Vous connaissez peut-être? Non? Vous connaissez pas? Bon, bah, je vous livre ça. Strasbourg, 100 personnes dans la rue pour dire non aux violences conjugales après le meurtre de Sandra Bauman. Une centaine de personnes a défilé dans les rues de Strasbourg ce vendredi à l'appel de l'association Oser le Féminisme. Une marche contre les violences conjugales et les féminicides. 8 jours après la mort de Sandra Bauman, 25 ans, retrouvée sans vie dans son appartement. Les proches de Sandra Bauman, des anonymes, des membres de l'association Oser le Féminisme, réunis pour dire stop aux violences conjugales et aux féminicides. Bon, blabla. Jeudi 18 janvier, ils reviennent sur les faits. Alors voici ce que disent cette assoce. Cela a été un déclic pour nous. Donc le meurtre, hein. Ce sentiment insupportable que cela arrive tous les deux jours depuis le 1er janvier 2019, dans l'indifférence générale. On a voulu marquer le coup puisque c'est arrivé dans notre ville et on ne voulait pas laisser passer cela dans le silence. C'est une marche pour elle, pour toutes les autres victimes et pour nos revendications politiques, pour qu'enfin des actions soient faites au niveau du gouvernement, au niveau de la justice, de la police, de l'accompagnement des victimes, pour que ce chiffre baisse, explique Ursula Le Maine, bretonne, d'Oser le Féminisme. L'association rappelle que le meurtre de Sandra Bauman est le 45e féminicide depuis le début de l'année en France. Sur sa page Facebook, elle précise « Au moins 120 femmes ont été tuées l'an dernier en France par leur conjoint ou ex-conjoint. Depuis le 1er janvier 2019, une femme est tuée tous les deux jours dans notre pays, et ce dans l'indifférence générale. Chaque année, au moins 223 000 femmes sont victimes de violences de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. Seuls 16 306 hommes ont été condamnés en 2015 pour des délits au sein du couple. Oser le Féminisme demande la mise en place immédiate de mesures de protection efficaces contre les femmes victimes de violences ou de menaces et exige des sanctions systématiques à l'encontre des auteurs de violences sur les femmes. Alors donc, je pense qu'elles ont bien compris d'où venait le problème. Bah oui. Bah oui. En fait, tout le monde entend un truc racial, mais non, en fait, il faut aller faire chier, c'est ça, les services sociaux, les flics. En fait, c'est l'homme blanc à la fin. Qui va être voilà, capable. C'est le patriarcat blanc, hein. Je pense qu'on n'en sort pas, on est toujours dans la même équation. Je note que l'article a commencé par dire que la femme était pétillante et à la fin elle s'est retrouvée morte dans la baignoire. Ah, d'accord. Mais elle avait un fort caractère. Elle portait la culotte. Ouais, non mais j'imagine bien en fait la chieuse. Hein. C'est-à-dire oui, et puis elle profitait de la vie, ils ont dit. Hein. Donc pute peut-être aussi. On décrypte comme on peut. Hein. Moi, enfin pute, putain nègre. Bah. C'est sûr. Mais. C'est ce qui me fait marrer, c'est le fort caractère. Bah non, mais en fait, c'est casse-couille. T'as beau avoir un oui, casse-couille. Et je pense qu'elle a dû particulièrement exciter son nègre. Et puis, le fort caractère, bah, il peut pas faire grand-chose face à 100 kilos de barbac testostéroné qui a un cul à 70. C'est sûr. Ouais, son nègre de compagnie, voilà, faut se méfier. Voilà, donc ça c'est du patrimoine génétique de qualité. Alors du coup, Sandra, karma, pas karma? Si, karma. Karma, ah, parce que je pense karma, qu'elle a voulu. Elle a voulu quand même, tu vois. Déjà travailler à la CAF. Cafre. Ah ouais. Travailler à la CAF. Basket. Ah. Ouais. Alors moi je propose une règle pour toutes ces putanas qui se font éclater. Moi je pense qu'en pareil cas. Je pense qu'en fait, il ne faut pas de poursuite judiciaire. C'est-à-dire que quand un nègre veut exprimer un peu virilement son mécontentement à sa pute à nègre ou à sa pute à bico, bon, ça fait partie des mœurs. Je pense qu'il faut intégrer, il faut être constructif, intégrer les cultures. Et je pense que le meurtre fait partie de cette compréhension interculturelle, et pour moi, il devrait y avoir des dispositions légales tout à fait spécifiques dans le code pénal qui précisent que, voilà, une blanche maquée avec un nègre ou un bougnoule, comment dirais-je, ne peut pas porter plainte en cas de violence conjugale, etc., parce que, voilà, c'est une culture différente, il faut le comprendre, et de la même façon, si elle se fait assassiner, la famille, etc., ne peut pas porter plainte, voilà. Donc, voilà, si on faisait ça, je pense que le phénomène des putes à nègres se réduirait drastiquement. Eh oui, mais de toute façon, tu as raison. Mais qui sommes-nous, nous occidentaux, pour juger la culture du meurtre du Ghana, non? C'est vrai, surtout chez nous. Hein. Ça serait un comportement raciste et impérialiste. Hein. Non, mais je pense qu'il faut faire ça. C'est une propriété, voilà, c'est la. Et putain, un bien meuble. Voilà, un bien meuble, ils en font ce qu'ils veulent, et la justice ne doit pas s'occuper de ces affaires-là. Et puis au pire, tu fais juger par la famille, tu vois? Comme en Afrique. Ah, c'est bien ça. Avec lapidation ou. La charia, tu dis. Ouais, mais il n'y a pas que la charia, hein. Parce qu'il y a des pratiques en Afrique. Coutumière, tu veux dire. Oui, coutumière ou mettre du piment dans le vagin, par exemple, des trucs comme ça. Ah oui, ça se fait, ça. Ben, ça s'est passé à Nantes aussi, récemment. Mais ça, c'était sur une négresse. Enfin, c'est des nègres qui ont fait ça sur une négresse. Oui, enfin, Nantes, terre africaine. C'est vrai, ça, de plus en plus, ouais. Oui, c'est vrai, mais il faut être versé dans les différents terroirs, quoi, pour comprendre un peu les nuances. Là, c'était la Centrafrique, si ma mémoire est exacte. Ouais, le piment dans la chatte pour les négresses, c'est la Centrafrique. Pratique locale, quoi, tout à fait. Du piment dans la chatte pour les putains nègres. C'est ça. Enfin, elle a, pour le coup, c'était... Oui, c'était une pute aussi. Oui. La famille était pas contente, elle couchait partout. Ouais, ils ont quand même compris deux, trois principes. Voilà, oui, des principes élémentaires, oui. Enfin, ils les ont conservés, quoi. Alors du coup, messieurs, bon, toutes ces putes à nègres, putes à bico, assassinées, bon, une petite, je sais pas, vous avez envie de... Je suis partagé entre, j'ai envie de me dire, bon, bah, il suffit qu'elles testent la chose, et puis, bah, après, elles vont comprendre, que ça n'apporte que des emmerdes. Ça, c'est le sentiment premier que j'ai, mais ensuite, j'en me dis, mais en fait, qui a envie de passer après une pute à nègre, quoi? Dire, même si la meuf, elle se... moi, j'aurais pas envie, quoi. Rien que ne serait-ce que d'un point de vue purement médical, quoi. Je sais pas quel genre de tête tu peux choper. Bah, le problème, c'est que tu le sais pas forcément. Hein. Alors attention. Tu le sais surtout pas, ouais. Ouais, surtout que je pense qu'elles ne s'en vendent pas trop. Mais malheureusement, vu qu'en ce moment on fait la promotion perpétuelle de, enfin, continuelle de l'exotisme, voilà. Hein, je veux dire, si tu recherches une femme, et bon, déjà si tu commences à lui demander de façon cache le nombre et l'origine ethnique de ses anciens prétendants, bon, je pense qu'elle, déjà elle va mentir à la baisse. Hein, je veux dire les femmes ont tendance à mentir à la baisse et les hommes à la hausse. C'est ça. Mais on se demande pourquoi. Oui, on se demande pourquoi, mais tu risques d'avoir des surprises. Serait-ce parce que les putes n'ont aucune valeur sur le marché sexuel, question. Ah, ça c'est une... Sans blague. Bah, tu sais comment on appelait les... Dans les campagnes, il y avait une forme de charia, hein, c'est-à-dire qu'il y avait du nemanchem, enfin du nemanchem, du slut-shaming. Comment on appelait les nanas qui couchaient n'importe où? C'était des Marie-couche-toi, là. Marie-couche-toi, là. C'est resté tard. Donc c'était vraiment du slut-shaming, qui était d'ailleurs fait par les femmes. Hein. C'était les grands-mères, c'était les mamans qui utilisaient ce prénom-là. Bah, bien sûr. Du bon sens paysan, comme on dit. Oui, le bon sens. Bah, bien sûr, parce qu'après, pour caler la gonzesse avec un mec, avec un bon parti, bah évidemment, si c'était une traînée, etc. Hein? Bah disons que si jamais tu veux être sûr que ton fils, c'est bien ton fils, ça pose problème. Quoi. Oui, effectivement. Il y aurait beaucoup de surprises en France si on s'amusait à faire des tests de paternité systématisés. Hein. Je veux dire, il y aurait... je crois qu'il y aurait une hausse des meurtres aussi. Il y a des chiffres qui sont sortis qui visiblement sont faux, qui ont été faits par un juif. Donc faut s'en méfier, mais oui, je pense que ça doit être... Non, il y a eu des études quand même, hein, très sérieuses, qui montrent que ça fait même un moment qu'elles existent en France. Ils ont pas creusé, mais ils ont dit, tiens, c'est marrant... Les profils génétiques ne collent pas sur tel ou tel genre 200, 300 gosses. Bah, c'est pour ça que chez les Romains, le pater familias avait droit de vie et mort sur la progéniture de sa femme. Ah oui, la sagesse romaine. Et voilà. Il faut qu'on rebosse sur ces sujets. Hein. C'est parfaitement. Mais c'est ce que font les animaux. Hein. Je crois que c'est les lions qui font ça. Ouais, les lions font ça. Ouais. Ils arrivent dans une tribu, ils tuent les... Alors ça, enfin, on n'est ni des lions, et moi je compte pas non plus revenir au droit romain et à leur pratique, hein, parce que c'est pas non plus forcément très... C'est très très reluisant, il y a même certains côtés un peu glauques. Mais les femmes ont beaucoup de mal à comprendre ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas forcément envie de s'engager avec une progéniture qui n'est pas la nôtre. Elles se foutent parce qu'elles sont sûres d'être la mère, alors que le père est... Bon, je pense quand même que les auditeurs, ils ont... Il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent, mais ils sont quand même ils ont conscience de ce fait, mais bon, si ton gamin n'est pas blanc comme ta femme et blanc comme toi, c'est qu'effectivement, il y a un problème. Mais je pense que... Moi, je suis d'accord pour sauver quand même quelques femmes qui ont péché avec un Libano antillais. Ah, oulala, non, moi je. Non. Ah, mais moi, c'est mon côté chrétien. Ah, ouais, bah, c'est bien dommage. Non. Non, moi, je rejoins Gandalf. Non. Non, mais c'est une question hygiénique. Bah, après, hein, c'est une question d'hygiène. Si c'est un coup à choper des MST, le sida, le singe vert, va savoir quoi. Non, c'est. Singe vert. Non, après, mais c'est dangereux. Si tu fais ça. Dis-toi bien que tu vas virer beaucoup de nanas du pool génétique. Beaucoup. Ouais, non, mais on va les mettre, à pondre en Guyane pour conquérir le territoire. Je sais pas, un truc comme ça, mais avec, des inséminations artificielles, j'en sais rien, mais... Non, c'est... Bah, ou alors des... Elles vont non, sur... Non, mais... sur donneurnaturel.com. Non, mais il faut un vrai... Une vraie politique, je veux dire, matrimoniale, idéalement, quoi, hein, je veux dire, sur ces questions, quoi, je veux dire, c'est pas possible de laisser des nanas j'ai connu des gonzesses qui flirtaient avec ce genre de mec, etc. Bon, bah, pour moi, c'était niette, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas que je les courtisais. Non, mais ça, tu ne sauras jamais. Non, tu ne pourras jamais savoir ce que ta copine a fait. C'est impossible, elle ne te le dira jamais. Attends, je suis d'accord. Sauf que tu sais très bien si une gonzesse, elle aime les métèques, parce qu'elle va très vite te dire qu'elle aime les géants basanés, etc. Bien sûr. Tu vois, je veux dire, c'est pas que... Enfin, je veux dire, une nana qui aime les nègres et les bicots, elle va pas cacher qu'elle aime les nègres et les bicots, vous voyez ce que je veux dire ? Elle va pas en avoir honte. Bien au contraire. Voilà. Moi, pour moi... Mais de toute façon, même, elle court après ces mecs-là, hein, le plus souvent. Hein. Voilà. Mais faites le test. Ça, c'est un bon test. Il faut savoir quel type de mec elles aiment. Il faut se renseigner. Hein. Faut se renseigner. Hein. Voilà. Ouais, mais attention, tout à fait. Mais ouais, une femme... Pas trop exagérer. Je sais pas la prévalence, mais pour moi, c'est quand même un phénomène minoritaire. Hein, je pense. Non, moi, je pense pas que ce soit si minoritaire que ça. Ça dépend des générations, ça dépend également des milieux, parce que c'est évident qu'une nana de la France périphérique qui a décidé de bosser on va dire directement après son bac et qui se met assez tôt avec un homme, elle sera beaucoup plus stable émotionnellement. Et là, effectivement, je pense que si tu fais la prévalence sur ce type sociologique, ça doit être très rare. Mais une nana qui est passée par une fac, surtout une fac de sciences humaines, et qui a vécu 5, 10, 15, voire même 20 ans, hein, parce que de 18 à 40 pour certaines, en ville, à se faire courtiser comme jamais, à pouvoir se faire livrer une bite sur patte comme une pizza, parce que non mais déconnez pas, avec Tinder c'est ça, elles peuvent se faire livrer à domicile, gratuitement, une bite sur patte. Bah, de toutes couleurs confondues. Il faut les tester, vous pouvez tester éventuellement sur ce genre d'application ou sur Facebook. Vous faites des faux profils. Si jamais il y a une nana qui vous intéresse, là, vous testez un truc, vous faites des faux profils avec des gueules de métèques, vous voyez. Bon, pas difforme, hein, vous voyez, genre métèque un peu, voilà, un peu playboy, je sais pas quoi là. Puis vous testez, puis vous voyez si la fille se laisse approcher ou pas approcher. Si elle s'est approchée, c'est une pute à métèque potentielle. Donc vous laissez tomber. Si la fille vous rembarre en disant « Ouais, je vous connais pas, barrez-vous », bon, là, déjà, c'est déjà un début de réponse, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai, je veux dire, ouais, y a des façons de machiner. Voilà, faut pas hésiter à tester, parce que si c'est pour s'engager avec une gonzesse, en fait, et avoir une mauvaise surprise quelques temps plus tard, non, merci, quoi. Enfin, Sur ce, messieurs, je vous propose qu'on se sépare. Quelques observations de plus, ou... Zigail. Oui, pas mal. Bon, bah, la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine.